I declare the time will be no more. They tell me great God when it started to rain. The women and the children begin to scream. They knocked on the windows, battered at the door, crying, oh brother Noah, won't you take on more? Noah said, I'm sorry my friend, but God's got 19h. Retrouvez l'Infernal et son équipe dans La Voix du Geek, l'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio. C'est pas vrai? Alors tu montes le son et tu fermes ta gueule. Et salut à tous, vous êtes avec l'Infernal sur O2 Radio. On se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode de La Voix du Geek. Comme vous pouvez l'entendre, je suis guéri. Je suis sorti de mon état statique, mon état grippal, comme on dirait, grâce à certains médicaments dont je tairai le nom, hein, qui commence par 20, qui finit par rouge, non c'est pas vrai, au litre, à être pétain, je peux te dire. Et puis comme vous pouvez l'entendre par ce joli son clair et beau, nous avons récupéré notre table habituelle, mesdames, messieurs, et ça c'est cool. Fini la table de Vercingétorix, là, avec les potards en pierre, en cailloux et tout, là. Donc ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que vous avez la patate. Nous, c'est clair. Ah, il est mardi, 19h. Nous sommes en direct. On est parti pour 1h30 de jeux vidéo et de bonne humeur, hein, bien sûr. Il faut toujours reprendre l'accent comme ça, un petit peu, pour faire les présentations. Tu le fais très bien. T'as vu? Mais je m'entraîne. C'est depuis que je traîne avec Anthony, tu vois, on parle qu'avec des accents, comme ça. Allez, tiens, et puis vous venez de l'entendre. Toute l'équipe est là, ou presque. Il manque toujours quelqu'un. Ouais. Goustique, qui est parti nous faire les vignes. On n'a plus de nouvelles d'ailleurs. Hein. C'est pas ce qui lui est arrivé depuis. Oui, c'est clair. À mon avis, il est tombé amoureux avec, comment on appelle ça? Avec un serment. Un serment. Il s'est lié d'amitié avec un serment. Avec un pied de vigne. Oh putain, oui, quoi. Je suis quasiment sûr qu'il rentre tous les soirs bourré chez lui. Ouais, ça, c'est pas bien. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est pas parce qu'on bosse dans les vignes qu'on est forcément bourré, les gars. Ouais, mais je connais Goustique. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bref, et puis il est là, vous venez de l'entendre. Tiens, et qui est là? Comment ça va, Ampoulet? Bah écoute, ça va très bien. J'ai passé une bonne semaine vidéoludique. Je me suis un peu entraîné sur Rocket League. J'ai pas énormément le temps de jouer, du coup mon niveau augmente pas vachement. Et puis tu vas vite te rendre compte que c'est un jeu où tu perds très vite. Ouais, c'est ce qu'on tu m'a dit. Tu prends très vite. Nous, on n'y a pas joué pendant quelques semaines. Et là, on est, mon gars, mais nul à chier, quoi. C'est la cata, quoi. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, ouais. Du coup, j'essaie de m'entraîner. J'ai acheté Mad Max aussi, mais j'ai toujours pas eu le temps d'y jouer. Et j'ai réessayé de jouer à Splatoon. Pareil, j'ai tout perdu. C'est démoralisant parce que maintenant les mecs ils sont entre temps ils sont niveau 46, tout ça. Le matchmaking est hyper chaotique. Et j'ai testé Super Mario Maker. Et je vais en parler un peu dans un instant. Ouais. Carrément. Je suis assez impatient. Alors j'entends le son qui remonte. La table revient de réparation. J'espère qu'elle va pas nous faire des blagues. Je te jure. Alors j'espère que c'est pas Jérôme. Putain, ce serait ouf. Bon, on va voir. J'ai pas touché au potard. Si le son vacille un peu, c'est pas moi. J'ai les bras en l'air et je fais pas ça avec mon... Bref. Et puis tiens, il y a Clément qui est là avec nous ce soir. Comment ça va, mon poulet? Eh ben, ça va pas mal. Ça va pas mal. La semaine vidéo ludique, à fond sur Metal Gear. J'avais un peu de mal au début, je dois t'avouer. On en avait discuté déjà les émissions précédentes. Alors là je commence vraiment à prendre mon pied parce que dès que tu commences vraiment à bien te mettre la tête dedans, à comprendre bien les mécanismes, c'est super, c'est vraiment super bien. On en parlera peut-être tout à l'heure. Ce matin on est allé voir la conférence de presse d'Animasia. Exactement, on en parlera ensuite, ouais. Et puis j'ai pu m'endormir un peu chez toi devant Blood Bowl. Qu'on testera la semaine prochaine dans l'émission. C'est pour ça que je suis un petit peu en mode fatigué encore ce soir. Semaine prochaine, on emmène nos édredons. Ah mais c'est ça, quoi. Ah ouais. Et mais tu sais que je me suis vraiment endormi en jouant tout à l'heure. Ah ouais. Genre on a lancé un stream, tu vois, on jouait. Et genre, tu sais, c'est au tour par tour, quoi. Et genre, j'ai fermé les yeux et je me suis endormi, quoi. Genre, 10 secondes, mais je m'endormais, quoi. On était avec Ogou, tu vois, et puis on lui dit, eh ben alors, qu'est-ce que tu fais? Il fait, oh, putain, je me suis endormi. Ah, mais le truc, il doit être relativement... Donc, attention, la semaine prochaine, prévoyez les Red Bull, ça va être une émission d'exception. Ça va être un truc de ouf. Et puis, tiens, il y a Anthony qui est avec là, si tu veux nous faire un petit bonjour. Ah, mais le micro est ouvert si tu veux, Anthony. C'est vrai que la table est réparée, moi j'avoue. Et oui, alors, putain, vous l'avez pas vu, mais il a fait un bon quoi. Une grenouille. Bon, ça va, vous voulez? Oui, ça va très bien, merci. Une bonne semaine aussi. Et puis, enfin, j'ai passé une très bonne semaine. Et puis, je suis très heureux d'être ici encore ce soir pour une super émission de folie. Oh, il est tellement heureux, ça fait chaud. Ça au va clair. Être quoi? Comme tu nous dis d'habitude, ça va être. Oh, oui! Et là, tu peux le faire sans faire exploser la table et les autoradios des auditeurs qui nous écoutent. Et ils t'en remercient. Du coup, tu nous fais le coup de fil du PNJ vers 20h, c'est ça? Tout à fait. Sur Mario Maker, restez bien avec nous. À mon avis, ça va le faire. Et puis, moi, petite semaine tranquille. Petite semaine, le gars il dit quoi. J'ai quand même fini Dishonored, plus les DLC, plus un DLC, pardon, en stream. J'ai fait quoi aussi? J'ai fait God of War, remasterisé, franchement, tuerie. Le jeu, je l'avais déjà fait et tout, mais franchement, le de me replonger comme ça avec Kratos, ben ça l'a fait quoi. Ouais, t'as plongé avec Kratos? J'ai plongé avec Kratos. D'accord. Et c'est assez cracra. Et d'ailleurs, Clément l'a jamais fait et je t'invite à le faire. Hein. Ouais. J'ai envoyé des screenshots de Kratos minuscule en train d'arracher les ongles d'un personnage énorme. C'est Chronos, il me semble. Je sais plus, mais alors franchement, c'était énorme. Et ça puis j'ai carrément. Et puis j'ai platiné, tiens, assez rapidement les Chevaliers de Baphomet. La version le 5, ah, la oui, version oui, PS4. Il est bien du coup. Franchement, c'est cool. Bon jeu d'aventure. Je vous le conseille sincèrement. En plus, il a petit prix. Le souci, c'est pour faire tous les trophées. En fait, t'en as plein qui sont liés à l'histoire que tu peux pas louper. Et d'autres pour le platine, ça a ni queue ni tête quoi. C'est genre, tu dois nourrir une chèvre à un moment et tu dois lui donner 5 papiers. T'as une trentaine de choses dans ton inventaire et tu dois lui donner 5 papiers, mais qui ont rien à voir avec rien et dans un ordre précis, tu vois. Ouais, d'accord. Enfin, par toi-même, c'est pas possible. Les solutions internet, franchement, non. Ouais. En tout cas, voilà, ça c'était cool. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah si, je fais une petite dédicace, tiens, à Descom, Denis, je sais pas s'il nous écoute. C'est lui qui m'a aidé dans un puzzle justement, on était en train de streamer sur les Chevaliers de Baphomet. Putain, mon gars, j'ai été perdu devant une espèce de machine à écrire. C'était écrit en russe dessus. Et il fallait ouvrir un espèce de bureau à la con avec des boutons en bois, à tomber dingue, quoi. Et puis il a eu un éclair de génie. Puis on a trouvé tous les deux. Donc je t'embrasse, mon poulet, si tu nous écoutes. On lui fait des bisous, kékettes. Carrément. Et puis tiens, juste avant de s'attaquer les news, je voudrais faire une dédicace à Cyril Hanouna, tiens, on en a pas parlé. Ah oui, qui a fait la petite boulette. Oh là là, cette boulette même. Bah, alors moi franchement ça me choque pas. Alors bah, je crois qu'il a dit c'est marrant, mais la Xbox de Nintendo. Ouais, voilà. Alors franchement, quand tu connais pas ton sujet et tout, ça peut arriver de se tromper. Tu vois, moi une fois sur le tournage de Silence ça pousse, j'ai confondu un bégonia avec un géranium. Et bah c'était la cata sur les réseaux sociaux. Il a mis le feu aux poudres quoi. Ah mais carrément quoi. Putain, Silence ça pousse, qui est l'émission la plus scato du PAF, hein. Bref. La petite vanasse. Ah bah il faut toujours, tu sais, pour bien commencer une émission, toujours faire une vanne un peu scato. Toi, c'est ce qui donne le power après. Bref, tiens, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook et Twitter, La Voix du Geek, La Voix avec un E. N'hésitez pas à laisser des messages, moi je dirai tout en direct. Et puis ce soir, nous avons des invités. Et oui, mesdames, messieurs, ils sont au nombre de 3. Alors, si je dis pas de bêtises, il y a Philippe, Félix et Gabriel. Ouais. Oh, bravo. Yes. Bravo. Sans faute. Alors, je sais pas si on applaudit les invités ou moi qui ai retenu les prénoms. Les deux. C'est un peu un exploit que t'arrives déjà à retenir 3 prénoms. En c'est parce que ça fait moins d'une minute qu'ils montent. T'as vu comment Dandy, il a trop la haine, c'est un peu un exploit quand même que t'arrives à retenir le prénom. Hein, ah oui, merde, c'est parce que putain. Ah non, j'ai révélé ton identité ça. Secrète c'était aux yeux du monde. C'était même pas pour ça, hein, c'était même pas pour ça du tout. Okay. Abus de médicaments. Non. Sans ce rire de ouf que je viens de vous lâcher, c'était démoniaque. Ah ouais, c'était. Je le couperai au montage. Trop tard, on est en direct. Ah merde. Et puis ils vont nous parler de stratégie. Alors j'espère que je dis pas de bêtises. J'ai carrément décroché l'affiche pour le pense bête, tu vois. Alors c'est le Festi Family and Stratégie 12e édition. C'est le Ludic Festival, c'est bien ça? C'est exactement ça. Yes, donc on en parlera plus longuement tout à l'heure. Mais c'est le 26 et le 27 septembre. Et il y a plein de choses à faire. Et c'est hors jeux vidéo. Ça va vous reposer un petit peu les rétines. Forcément les méninges. Oui, pas forcément les méninges. Et d'ailleurs, je vous ai préparé une petite surprise à Philippe, Félix et Gabriel. Je vous ai préparé un petit quiz bien de chez moi, quoi. Ouais, bref, alors il y a Iki qui est déjà en train Non, mais les quiz de l'Infernal à chaque fois c'est grandiose quoi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des trucs où on a mal ou. T'inquiète, c'est en cours. Et tu sais que ça commence à me manquer. Tu sais que le programme était trop chargé, mais j'ai déjà 2-3 casseroles, mon pote. Ouais, bon. Dont un, mais ça fait un peu cher la vanne. Vous voyez l'espèce de jeu de société où tu tournes et tu prends une tarte à la crème là? Ouais. Ça coûte 50 balles, c'est con. Ah ouais. Oh. Donc on va le fabriquer maison. Avec un ressort et tout. Vas-y, je fournis les tartes. On va faire ça. Donc voilà, on va débriefer un petit peu ce festival de jeux de société. Il y a du grandeur nature, il y a plein de choses. Et moi, il y a un petit truc qui m'intrigue. Mais je vous dirai ça après. Si comme ça, vous allez pouvoir commencer à réfléchir et tout. C'est le 360 boules. 360 boules. Et oui. Donc bol, c'est pas un truc cochon. Hein. Ah. Et non, c'est pas cochon parce que c'est un salon pour tout public. Donc faut pas le dire maintenant. On en parlera. Donc du coup dans cette émission, qu'est-ce qu'on va y faire ? On va se faire toutes les news jeux vidéo de la semaine. On va s'écouter du son. On va s'écouter Odezen avec bouche à lèvres. Ouais, c'est leur dernier morceau de leur prochain album. Et d'ailleurs pour tous les Bordelais, ce samedi ils font le début de leur tournée. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur page Facebook pour vous procurer vos places. C'est 15€ et ça vaut le coup. Quoi ? Ils viennent sur Bordeaux ? Bah oui. Bah, c'est comme s'ils habitaient à Bordeaux, quoi. Truc de ouf, quoi. Ah oui, mais c'est vrai, j'avais oublié. On embrasse Jaco, tiens, qui était venu nous rendre visite d'Odezen. Super cool, quoi. Ouais. Et puis tiens, ça tweet déjà. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit oui, mais t'es amoureux de Cyril Hanouna, l'Inferna. Oui, bah oui. Je suis assez fan. C'est vrai. C'est vrai que t'es assez amoureux de lui. Et donc c'est Moumout qu'on embrasse, tiens, qui nous a laissé un message sur Twitter. Il l'a envoyé deux fois pour être sûr que je le lise. Donc voilà, on embrasse Moumout. Bisous Moumout. N'hésitez pas à faire comme lui, à réagir en direct. Moi, j'irai tous vos messages. Puis à 20h, on va s'écouter La Femme, tiens, avec sur la planche. Vous allez voir, ça va vous donner envie d'acheter une Nissan Qashqai. On peut dire qu'on a du pain sur la planche. Oui. Femme, va laver mes slips. Est-ce que tu pourrais mettre un petit son, s'il te plaît? Eh ben, je l'ai plus, je peux te hooter si tu veux. Vas-y. Voilà. Ça me va. Franchement, franchement, c'était assez juste. On le jette au lion. C'est ça. Après 20h, on se fait le coup de fil du PNJ. Et juste après, le test de Mario Maker. Non, Super Mario Maker. Super Mario Maker. Ouais. Super Mario pas Maker. Pas Super Mario Maker. Ah, ouais. Donc il y a les avis pas divergent. Super. Les avis divergent, il faut un grand slip pour faire rentrer ça tout fait ça. Beaucoup de verges, effectivement. Ouais. Putain, les mecs, on va finir chez les grosses têtes, hein, je te jure. Mais moi, avec vous, je vais finir dans la bande à Ruquier, bah oui, les c'est mecs. C'est gros hasard, ça, quoi. Putain. Moi, je pense que tu te reposes un peu sur nous comme excuse. En fait, je suis en train de roder un one man show tout pourri, là. Je le teste à l'antenne, tu vois. Ça fait 4 ans. Oui, c'est vrai. Il va falloir que je m'y mette. Bref, allez, j'envoie la musique des news, puis on fait le tour de l'actualité vidéoludique de la semaine. Qui s'y colle, comme vous voulez. Bah écoute, vas-y. Bah c'est dans l'ordre logiquement. Alors, dans ok, dans vas-y. L'ordre. Alors moi je vais vous parler. Il est très professionnel parce qu'il a aucun support quand il parle de ces news. Moi je suis tout le temps admiratif pour ça. Il fait toute tête. C'est pour ça qu'entre chaque mot tu peux entendre. C'est pour ça. Alors non, moi la news que j'ai en tête justement c'est concernant. Et, attends, alors Silent Hill. Et au moindre, je te houhoute mon gars. Allez, ok. Mais le houhoute de ouf quoi. Mais si je fais un autre son que ça marche aussi. Ah quoi. Bah là tu verras. Donc je voulais. Voilà, bravo. Ouais. Mais tu me déstabilises. Ah mais si tu veux, je peux en faire tout le temps d'ailleurs. Non. S'il y a que ça pour te troller, je peux t'en faire. Allez, faut qu'on avance. On a du pain sur la planche. Donc, Silent Hill, Pity. Ça te va? Bon allez, accouche. Donc Silent Hill, Pity, il a été annulé par Konami. On le sait très bien. Ça nous a tous fait très mal au cœur. Oui. À savoir que, bah voilà. Maintenant, j'y fais gaffe à chaque fois que je le dis. T'es chiant. Je le dis tout le temps. Bah oui, mais toi aussi, tu le dis. Hein. Non, mais le queue, c'est normal. Tu peux le dire. Non, parce qu'il y a queue. Tu peux le dire. Queue. Ouh là là. Bon, j'enchaîne. J'enchaîne. J'ai pas dit que, j'ai dit Je dis que en fait. Bon, on s'en fout, les gars. voilà, encore une fois, merci beaucoup. Mais ça va être un truc horrible, hein. Allez, mais concentre-toi. Donc voilà, juste pour dire, Bon, vas-y, fais là. Ok. On saura jamais, quoi. Silent Hill, on saura jamais. Allez, puisque c'est ça, je mute son micro, tiens. Moi, je vais vous parler du coup de la New Nintendo 3DS et d'un nouveau bundle en fait qui encore est désormais disponible. Oui, bah oui, c'est Nintendo, hein, faut pas. Et est-ce que tu vas te l'acheter celle-là ? Non. Non, je vais attendre qu'ils sortent une nouvelle version qui change un peu. Là, c'est juste un bundle, mais le bundle est bien stylé puisqu'il s'agit du bundle Dragon Ball Z Extreme Butoden Pack. Quoi ? Butoden Pack. Et genre du coup en fait. Oh merde, désolé. Vas-y continue. C'est une jolie petite, Nintendo 3DS avec tous les persos de Dragon Ball sur la face avant et sur la face arrière. Tu as donc les 7 boules de cristal sont magnifiquement peintes dessus et bien sûr elle est en orange flashy. Voilà, donc amateur de mauvais goût, n'hésitez pas à dès maintenant la précommander. Elle est disponible sur Nintendo UK. Voilà. Ok. Bon, Dandy, tu te sens chaud? Non, ouais, ouais, ok. Donc Silent Hill, je disais, Pity a été annulé, donc à notre grand désarroi. Donc j'avais parlé il y a quelques mois de ça, qu'il y avait eu un petit bonhomme anglais, je crois, qui avait voulu reprendre un petit peu le flambeau en faisant avec l'Unreal Engine 4, un semblant en fait de Silent Hill Pity, mais un petit peu à sa sauce, où il avait modélisé sa propre maison. Ouais, d'ailleurs le potin s'affole un peu. Il faudrait que je crie un peu dedans, je crois. C'est ouf, quoi. La ronde de réparation, elle la truc. Elle va partir, quand même. Bah, je crois que si. Oh, allez, bon, bref. Voir, table de mixage. Ouais. Je serais trollé jusqu'au bout. Jérôme, si c'est toi, envoie-moi un texto, s'il te plaît. Et donc, ce mec-là a décidé d'ouvrir un Kickstarter donc pour son jeu qui s'appelle Allison Road. Bon, ça va, ouais. je vais couper, tant pis. Vas-y, donc, vas-y. Qui s'appelle Allison Road, un Kickstarter qui me paraît ambitieux et pour qui je souhaite vraiment que ça marche. Je pense que je vais financer pas beaucoup, mais au moins un peu, parce que j'aimerais. Au moins 2 euros. Faut pas déconner. Bah, non, déjà 2 euros, non, si tout le monde donne 2 euros. Peut-être 5 euros, tu vois. 5 euros, c'est déjà un bon début et je trouve que ça vaut la peine parce que t'es vraiment sur un truc photoréaliste qui a l'air vraiment d'avoir cette essence un peu à la Silent Hill, Pity, comme on a pu avoir, assez perturbant, où t'as un bon sound design, où tu t'entends vraiment du son de qualité, t'as une ambiance de qualité. Moi, ça, honnêtement, ça me gêne un peu, tu vois. Ça me gêne un peu dans le sens où, ok, t'es un fan de tout ça, tu demandes, t'es un fan de Silent Hills, de Pity, t'es trop dégoûté que le projet n'ait pas abouti. Mais ouais, de là à demander un financement participatif, je trouve que c'est un peu surfer sur la vague de l'anti-buzz en fait qu'il y a eu à cause de ce jeu, quoi. Bah oui, mais bon, après, si le jeu est de qualité, moi j'en fous, je veux jouer à un bon jeu, un truc de qualité, donc c'est pas... Ouais. Alors ok, peut-être que derrière les motivations du mec, tu trouves qu'elles sont pas hyper réglo. Nous après on est des gamers, hein, on veut juste jouer à des trucs qui sont qui te foutent les chocottes, concrètement, parce que c'est ça, hein, Silent Hill Pity, on l'a vu, hein, tous ceux qui ont joué, ouais, le problème, on lui grave c'est les chocottes. Je sais pertinemment que c'est pas un mec sur internet qui se la touche un peu sur Unreal Engine qui va pouvoir faire un truc aussi bon que ce que laissait prévoir Pity. Donc certes, ah oui, bah, il crée un truc dans le style, mais au final ce sera pas du Silent Hill Pity, c'est sûr, ça. Mais on est quand même déjà sur quelque chose qui respire cette ambiance-là. Bon, peut-être que je lui donnerai 30 centimes, mais il va falloir me convaincre. Hein. C'est un dollar minimum, je pense, les collectes. Mais bon, voilà. Après, vous pouvez aller voir, il y a eu une vidéo qui a été publiée donc sur le Kickstarter de Allison Road. Et vous pouvez voir déjà un petit bout de gameplay qui est vraiment, vraiment très, très sympa. T'es dans l'ambiance, quoi. T'es vraiment dedans. Et je vous conseille à tous de le regarder et puis peut-être de financer avec vos moyens, bien sûr, parce que ça a l'air vraiment d'être quelque chose d'assez prometteur. Je vais aller voir et puis si j'étais mauvaise langue, je donnerais 3 euros, je le promets. Voilà. Oh. Eh ben écoute, on vérifiera. Promesse. Bon, vous inquiétez pas, il y a pas la musique derrière parce qu'il y a un problème avec le potard, mais c'est pas grave. Moi, je vais enchaîner. Tiens, on en parlait en plus il y a pas si longtemps et tu vois, ils écoutent la voix du geek et ça fait plaisir. On avait dit que ce serait bien peut-être une collection de BioShock sur PS4. Eh ben c'est le cas, elle sort le 27 novembre. Donc on aura le pack avec le 1, 2 et juste pour nous faire plaisir. Ouais, non mais franchement, ça le fait. Alors le 2, je dis pas. Mais se replonger dans le 1 avec plaisir. Non mais même le 2 en soi, l'histoire était pas si mal. Bon, le mode multi était carrément à chier, mais au-delà de ça, tu sais, je me rappelais même pas qu'il y avait un multi. Ouais, ben bah, tant mieux. OK. Mais est-ce que ce sera genre un remake HD ou c'est juste ça. D'accord. Ouais, c'est pas juste une compile, c'est comme les Uncharted. Uncharted. Du coup, c'est pareil, tu vois, ils font une petite réhausse graphique. D'accord. Voilà. Ouais, c'est effectivement, c'est très intéressant. Et il y aura le dernier aussi, le 3, c'est comment déjà que ça Infinite. Infinite, voilà. Ouais, donc, tu nous as les pieds avec ça pendant au moins 6 mois. Bah ouais, mais ça va aller le coup, je suis désolé. Oui, c'est vrai. Mais franchement, bah je vais m'y replonger avec plaisir, tu vois, sur PS4. Eh ben écoute, je t'accompagnerai sûrement durant ton stream. Eh ben écoute, avec plaisir. Hein. Bah vas-y, je t'en prie. Bon, c'est triste hein, sans musique. Hein. Mais moi, je vais vous parler. Fais la musique, Clem, s'il te plaît. Je vais vous parler, moi, d'un lancement Indiegogo aussi. Non, en fait, ça me perturbe. Arrête, s'il te plaît. Arrêtez. C'était une blague. Non, je vais vous parler aussi d'un lancement Indiegogo qui est assez, pour un titre assez inédit en fait. Tu bégayes ? Vous savez, non ? Attends, mais c'est quoi Indiegogo ? Parce que moi, le seul que je connais Indiegogo, c'est le Indiegogo, groupe c'est de Zora dans Zelda. Non, c'est vrai, ça s'appelle comme ça ? Ben oui, dans Majora's Mask, les Zora qui jouent de la musique, c'est les Indiegogo. D'accord, non, là c'est un truc de Kickstarter en fait. Ok. Indiegogo, parce que ça sonne un peu bar à hôtesse quoi. Tu vas où samedi ? Je vais faire un tour à l'Indiegogo. J'ai tellement l'habitude de voir le terme que ça m'a paru totalement normal. Non, oui, c'est un financement participatif en fait pour un petit studio improvisé de jeux vidéo qui s'appelait Main Six. Main Six qui est une référence directe à, et là vous allez bien vous foutre de ma gueule, à My Little Pony, hein, voilà. My Little Pony qui a fait beaucoup en fait, qui a eu beaucoup de succès sur la toile, tout simplement parce que la dernière saison qui a été faite par Lauryn Faust, la meuf qui fait les super nanas, était pas si mal au final. Il y a eu beaucoup de fans sur internet, des mecs dégueulasses, des mecs un peu plus intelligents. Et du coup, ces mecs intelligents-là, ils avaient décidé de faire un jeu de baston, en fait, avec les personnages de My Little Pony, qui s'appelait Fighting is Magic. Et le jeu de baston en lui-même était super bien foutu. Et le problème, c'est que Hasbro, donc qui a les droits de My Little Pony, a directement coupé court au développement du jeu. Oh. Mais les mecs, ils sont revenus plus forts que jamais parce qu'ils sont fait aider par le studio Zero Lab, qui est ceux qui font Skullgirl. Et du coup, en fait, ces mecs-là ont décidé de refaire le même jeu, mais avec des caractères cette fois inédits, des persos donc qui n'existent pas. Et voilà, ils sont fait aider donc par les mecs de Skullgirl qui sont aussi assez qui prônent pas mal dans le milieu du jeu indé, et ils sont en train donc de faire une demande de financement participatif qui s'élève pour l'instant à un quart de ce dont ils ont prévu, à savoir 436 000 $, voilà. Et en soi, allez voir, parce que le jeu est de base sur la physique de Skullgirl. Donc pour les gens qui ont joué à Skullgirl, avec un jeu de baston, la physique est assez propre. Et du coup, avec ces persos-là, ça rend plutôt bien. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, à financer aussi si vous pouvez, parce que le jeu en lui-même sera sûrement super fun à jouer. Vous arrêtez pas de réclamer de la thune, voilà, hein, les gars. C'est ce que j'allais dire. Non, mais voilà, c'est bon. Le jeu indé, voilà, on a besoin de thunes. Enfin, je fais pas partie du truc, hein. Mais voilà, ça semble assez prometteur. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ça s'appelle Them Fighting Herds. Bientôt les jeux, faudra les acheter deux fois. Ouais. Une fois pendant la création, une fois à la sortie, quoi. C'est ce qu'ils sont en train de faire pour Shenmue. Hein. Mais en général, non. Ouais. Quand tu finances, enfin suivant le montant que tu mets dans ton financement participatif, il y a déjà l'achat inclus du ouais. jeu. Ah ça. Oui, ok. Ouais. Donc voilà, ça permet juste même que des eux petits puissent bonus en général ouais. parce que t'étais là, t'y étais quoi. Ouais. Genre j'y étais quoi. C'est ça. Comme à ma bar mitzvah, j'y étais quoi. Allez, vas-y, Dandy. Allez, ben, je vais poursuivre avec cette fois-ci une news sur Fallout 4. Ah. On a pu voir récemment, ils ont sorti deux petites vidéos bien sympathiques, un petit peu justement comme tu parlais à la King's Quest, ce côté très ancien dessin animé, tu vois, très oldies. Mesdames, messieurs, voilà. Un peu avec la voix. Bonjour, Anthony l'a fait très bien. Ouais. Bienvenue, vous allez savoir comment devenir quelqu'un de spécial. Et puis après, ils te font tout un petit, toute une petite vidéo. Alors, je crois que ça dure 2-3 minutes. C'est du noir et blanc. On retrouve le petit personnage principal, la petite mascotte de Fallout. Ah mais moi je croyais que c'était pour Fallout Shelter en fait. Ah non non non, c'est pour tout, c'est pour le jeu Fallout 4. Et ils te permettent en gros avec le mot spécial qui est en fait les lettres à chaque fois de ce qu'ils essaient de t'expliquer. Donc le S de strength qui veut dire force. Ouais. Et ils t'expliquent comment l'utiliser. En gros c'est un petit peu un tutoriel avant la sortie du jeu pour que tu puisses déjà savoir comment t'approprier. C'est marrant parce t'approprier que Fallout le truc, Shelter fait un peu office de ça aussi parce que justement le spécial, le jeu tourne autour du spécial par rapport à tes habitants dessus. C'est vraiment un truc. Mm-hmm. Puis c'est marrant parce que c'est un truc qui peut être même des fois un petit peu gore dans la vidéo quand tu regardes parce que le mec arrive, il t'arrache la tête, t'as du sang partout. Ouais. Mais avec ce côté un petit peu cartoon très sympa qui t'explique comment prendre en main le jeu avant même sa sortie. Parce que c'est assez donc, complexe. Il t'explique que par exemple un mec qui est trop fort, tu peux pas y aller avec tes petits coups de poing pour essayer avec de la bite et le couteau comme on dit dans le bouchonnois. Et que il faut avoir un petit côté tactique, avoir l'aide assistée avec le système de pourcentage par membre pour savoir à quel endroit tu peux tirer et compagnie. Donc voilà, c'est je vous recommande aussi de suivre l'actualité autour de Fallout 4 et de suivre toutes ces vidéos qui vont sortir jusqu'à la sortie du jeu, qui sont très très sympas et qui vont sans doute vous mettre l'eau à la bouche avant la date fatale. Carrément, de toute façon on en parlera dans l'émission, on fera le test complet, on fera des streams, enfin vous avez l'habitude. Fallout, ouais. Ah oui, clairement. Tiens, moi j'enchaîne avec Rocket League, on en parlait il y a un instant. Il y a un prochain DLC qui arrive, donc ce serait le deuxième en date, donc pour le courant du mois d'octobre, il sera 3,90€. Et dedans on sait qu'il y aura une tripotée de nouvelles bagnoles, des stickers, des peintures, des roues, du boost, enfin comme dans le premier DLC finalement. Mmh. Et on sait qu'il y aura, alors les deux véhicules ils seront tirés de l'épisode d'avant. J'ai pas me lancer dans le délire de vous donner son nom. ouais. Parce que c'est Rocket Acrobatic Stadium je sais plus, enfin c'est un nom à rallonge, c'est un truc de dingue, mais en tout cas c'est tiré de ça, donc c'est deux bagnoles. Et pour l'instant ils parlent pas de nouvelle map, à part dans ce DLC où il y aura une itération d'une map qui existe déjà, genre mais il fera pas plus beau, il pleuvra des fois. Je vois le truc, quoi. Ouais, super. Voilà, alors que dans le jeu précédent, il y avait des maps qui étaient un peu fofolles, il y avait des tunnels, des ponts, ouais. Et ça, pour jouer au foot, c'est n'importe quoi, et c'est ça qu'on veut, quoi. Ouais, c'est clair. Parce que franchement, moi j'ai décroché Rocket League parce qu'au bout d'un moment, c'est relou. Ouais. Bah, c'est tout le temps les mêmes maps. C'est peut-être quoi. Aussi le risque qu'ils essayent de ne pas prendre, à savoir que, imagine les joueurs de Counter-Strike, tu instaures la visée pour le dernier DLC, ils vont gueuler parce qu'au final ça change drastiquement le gameplay. Là c'est un peu pareil, le fait d'ajouter des tunnels et tout, c'est tout un panel de techniques à revoir, tout ça, et du coup ils ont pas forcément envie de frustrer les joueurs, je pense. Après voilà, tu choisis la map que tu Mais veux au final. Oui, c'est clair. Donc voilà, ben je sais pas, enchaînez si vous voulez, on s'écoute le Scud dans moins de 5 minutes et les ben amis. Moi je vais vous parler de Mad Max, et d'un easter egg assez marrant qui a été découvert il y a pas longtemps. En effet, dans Mad Max, il y a un easter egg où on peut découvrir la tombe de Morgan Freeman. Non, pas Morgan Freeman. Gordon Freeman, je suis désolé. On peut découvrir la tombe de la compagnie créole à un moment. Non, de Gordon Freeman. De qui Gordon est Ramsay. Le héros de Half-Life. Et voilà, justement, avec juste à côté de la tombe, en fait, le bras de Gordon Freeman avec la fameuse crowbar. Crowbar. Je sais plus comment on appelle ça. Ouais, le pied de biche en français. Et du coup, en fait, voilà, c'était un petit clin d'œil pour dire que Half-Life 3 était mort et que sûrement on ne verrait jamais la sortie. Ah merde. Oui, après ils ont aucune idée de si c'est vrai ou pas. Hein. Ouais. C'est juste pour déconner un peu. C'est sûrement les développeurs qui se sont amusés à faire ça parce que c'est pas Warner Bros qui a dit ouais, faut mettre un easter egg, oui, tout ça. C'est clair. Mais voilà, un petit easter egg hyper marrant qu'on peut aller voir directement dans le jeu. N'hésitez pas à aller chercher sur internet, il est très facile d'accès et c'est toujours marrant de regarder ça. Yes, carrément. Dandy, tu veux enchaîner vite fait ? Non, c'est bon. Ok, et ben moi je vais vous parler tiens rapidement de No Life. On en parlait en antenne avec Dandy un peu. A priori, No Life s'arrêterait pour Noël. La chaîne de télé, un peu le pendant maléfique de Game One. Donc voilà, on a encore eu droit à une vidéo où, s'il vous plaît, un peu, voilà, ça fait un peu de la peine pour No Life. Moi, c'est une chaîne que j'adore, même s'ils ont un peu changé ces dernières années. Vous en pensez quoi, vous? À votre avis, c'est encore un énième coup de « Allez, faut faire un Kickstarter » ou hein, ou alors c'est vraiment le cas? Bah, le truc, c'est que ça fait combien de fois qu'ils font ça déjà? Bah, ils font tous les ans. Bah ouais, bah je pense qu'à terme, les c'est gens, Pierre et le Loup, ils vont se lasser un petit peu, ils vont peut-être comprendre. Alors après, ils ont peut-être vraiment besoin d'argent ou on ne sait pas hein, mais peut-être que les gens vont voir ça d'un mauvais œil et vont leur jeter la pierre en disant ouais, vous nous faites ça tous les ans, nous prendre par les sentiments, peut-être pour réclamer un petit peu des sous-sous, peut-être que les gens vont gueuler ou peut-être que les gens vont vraiment aimer et soutenir. Après effectivement je suis d'accord avec toi, ça a pas mal changé je trouve No Life. Ah ouais, non mais clairement. Donc moi perso, ouais. No Life, j'adore, hein, j'aime beaucoup, je soutiens depuis le commencement quasiment. Ouais, pareil. Mais s'ils arrêtaient de passer de la putain de J-pop à longueur de journée, c'est un message. Peut-être que à ce moment-là, ils auraient un peu plus de financement, parce que sûrement que ça doit leur apporter des sous. Mais moi, No Life, à part quelques émissions que je sais que c'est à cette heure précise là, dès que je zappe, c'est de la merde. Voilà. Ben le problème, c'est que voilà, il y a eu une très grosse, les 2-3 premières années, c'était énorme, c'était exactement. C'était ce que super. Je voulais voir à la télé, c'était exactement les sketchs qu'on tournait nous, c'est avec clair, des caméras, des trucs, et tu dis putain, mais cette vanne, je l'ai faim. C'est la mienne, quoi. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Tu te voyais dans cette télé, quoi, dans cette chaîne. Il y avait de Poulpe, Davy, J'irai loler sur vos tombes, Mange génial. Mon geek, ouais. Truc Nerds, de dingue. Nerds, c'était Nerds, incroyable, tu vois. Ouais, Karate exactement. Boy et tout. Ouais. Et puis, je sais pas, ça a changé. En plus, là, il y a Thierry Falcoz, que moi j'adorais, hein, qui est parti récemment. Je sais pas, ça a changé. C'est que de la J-pop. Moi je regarde plus quoi. Ouais, ça voilà, et puis je veux pas dire, je l'adore Médoc, on l'a rencontré et tout, il est super. Mais le je sais pas, le duo qu'il fait avec son pote là, je sais plus son prénom, celui qui louche un peu, vous voyez, qui a l'air très sympathique au demeurant, mais je sais pas, ça marche pas quoi. Ouais. Ça marche pas quoi. Alors que ouais, Poulpe Davy, c'était naturel. C'était voilà, t'avais même pas expliqué. C'était comme ça, c'était eux et bim bam boum. Bah, ils sont peut-être un peu au bout du rouleau, mais d'un autre côté, imaginons que nos lives ferment. En soi, c'est pas forcément une catastrophe dans le sens où ces mecs-là, on va les retrouver de toute façon. Ah oui, alors c'est ce qu'ils précisent dans la vidéo. Si jamais nos lives ça s'arrête, c'est pas la fin de la vie pour eux quoi. Ils se retourneront. Le truc c'est que tu vois, ils se dispersent un peu. C'est une chaîne de télé qui est sur les box. Mais tu vois, ils commencent à streamer sur Twitch en même temps leurs émissions. Tu vois, tu sens qu'ils commencent à préparer un petit peu le truc quoi. Non, donc c'est tant mieux. Et puis mais je pense que c'est pas la première fois qu'on leur dit que faut arrêter de passer de la J-pop et tout. Ils doivent avoir leur raison en soi, tu vois. Oui, clairement, c'est quand même une organisation, il y a des mecs derrière qui taffent sur la programmation, enfin c'est pas n'importe quoi. Mais ouais, voilà, moi je m'en fais pas trop parce que si ça vient à s'arrêter, bah ça aura été 5 ans maintenant ou 6 ans. On est dans la 6e année. 6 ans de pur bonheur quasiment, et puis la suite ne sera que meilleure, je pense. Carrément, carrément. Bon, on verra. Allez, il reste 30 secondes avant de s'écouter le Scud. Je glisse juste un petit truc. Vendredi soir, là, tiens, le 25 septembre. Non, c'est pas ce que vous pensez, non. Il m'a regardé avec un sourire. Non, c'est pas ça, non. Même si j'embrasse ma chérie. Oui, je me pack ce vendredi. Voilà, comme ça, c'est dit. Merci. Mais du coup, à Cap-Science, il y a une soirée à partir de 18h où ça va parler un petit peu de jeux vidéo. Je vous invite à aller y faire un tour. C'est sur les quais de Bordeaux, Hangar 14. Non, pas Hangar 14, c'est juste après. 15 ou 16. Attends. 19 18. Ou 19. Bah, c'est Cap-Science, ouais, quoi. Voilà. Bref. Vous verrez, c'est écrit en gros, quoi. En lettres de lumière. Bref, il y a un petit événement autour du jeu vidéo. Ça peut être sympa d'aller y faire un tour. En plus, c'est gratos, il me semble. Voilà. Vous voulez qu'on s'écoute le Scud? Non. Bah oui, vas-y. Et vous voulez qu'on s'écoute quoi en premier? O2N ou la femme? O2N. Allez. Alors, attends. Ça veut dire qu'il faut que je change la playlist. Je sais même pas pourquoi je te demande des trucs. Tu laisses le choix, puis après, c'est la merde. Putain. Merci, Eki. Bah, mais la femme! Non. Trop tard. Je vais mettre l'homme, pour la peine. Ah oui. Allez, les 19h30, vous écoutez toujours la voix du geek. Dans un instant, on parle avec nos amis de Stratégeux, le coup de fil du PNJ, le test de Super Mario Maker, et puis, on revient juste après ça. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Sur 91.3. 91.3. Allez, on est de retour. Tiens, on va revenir sur la fin du morceau. On vient de s'écouter O2N avec Bouche à Lèvres. Je vous invite à aller checker sur YouTube, mater le clip, en dessin animé, en animation, comme disent les jeunes maintenant. Les pas pros, les jeunes surtout. De... Oui, connard. Bon, pour la peine, je te mute ton micro. C'est con, je dois faire le test. Allez, on est toujours en direct, hein, comme d'hab. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook et sur Twitter, La Voix du Geek, La Voix avec un E. Moi, je dirais tous vos messages en direct. Et puis, on va parler un petit peu de stratégie. Tiens, j'ai prévu une petite bande-son. Alors, que je me trompe pas. Qu'est-ce qu'il nous a sorti, là? La bite à Dudule. C'est pas le même salon. C'est pas le même salon. Non, parce que sur l'affiche, il y a le salon de l'érotisme en face. Ça, c'est le prochain salon, mais pour adultes. J'ai bugué un peu. Bon, du coup, c'est la bande-son de Super Mario Maker, tiens. Elle est assez cool. L'air de rien. Carrément. Ouais, ouais, ça va. Alors, nous avons Philippe, Félix et Gaël. Gabriel. Ah, il a pas tenu jusqu'au bout. Il a fourché. Zut. Donc, parlez-nous un petit peu de ce festival. Qu'est-ce qui va s'y passer dans ce festival? Plein de choses, sauf des jeux et des consoles électroniques. J'aime bien parce que même en antenne, il a bien mis le doigt dessus, ouais, en disant, il n'y a pas de console. Vous sortez. Voilà. Voilà. Tout l'inverse de ce que vous pratiquez au quotidien. C'est un salon des jeux de réflexion à partir de 3 ans jusqu'à 103 ans. Alors, c'est pas anecdotique, puisqu'une année, on ferme le salon le samedi à 23h, minuit cette année. On a des doyennes de 93 ans qui jouaient jusqu'à minuit avec les enfants avec des jeux de société. Mais ça, c'est toujours pareil avec les personnes âgées, faut les mettre dehors à chaque fois, c'est toujours ceux qui traînent le plus tard. Oh. Et après, on nettoie tout. Pardon. C'est dur. Non. Moi, je dis les vieux, faut les tuer à la naissance. Alors, heureusement attention. Qu'on a nos doyennes. À respecter. Oui, bien sûr. Donc le salon des jeux stratégieux fédère tout un tas d'associations, de partenaires professionnels, associatifs, des créateurs de jeux, des maisons d'édition, pour tous les âges, c'est le cas de le dire. Ça commence par les Playmobil et les Capla qui sont déjà des jeux de réflexion pour les tout-petits. Eh oui, non, mais carrément. Voilà. Ensuite, nous avons des jeux de société avec des créateurs. On aura 6 créateurs de jeux cette année. Donc non seulement on peut tester le jeu ou les extensions, puisqu'il y en a un, ça fait 28 ans qu'il a créé son jeu, il a eu le Pion d'Or à l'époque, il a fait sa petite maison d'édition, il en est à sa 3e édition avec tout un tas de produits dérivés, et donc on peut repartir en plus avec l'autographe du créateur, ça c'est pour le fun. Voilà. Est-ce qu'il y aura du loup-garou? Juste petite question. Ah. Alors, il y aura du loup-garou, ah, a priori, ça, en animation. On a tout un tas de jeux, on va dire, nouveaux, c'est le cas de dire, puisque c'est l'occasion de les faire connaître. On a des tout petits créateurs de jeux qui ont du mal à se faire connaître, justement. Donc, notre salon est gratuit pour tout ce qui est animation. L'euro symbolique qu'on fait payer à l'entrée est là juste pour cadrer la sécurité, parce qu'on parle de sécurité, on attend 1500 personnes dans le week-end accessoirement. Et ouais, c'est pareil. Donc entre les deux niveaux du château, plus les extérieurs, plus les tout petits qui rentrent dans le salon mais qui peuvent pas ressortir sans les parents, parce qu'il y a un système à mettre en place pour surveiller, bien sûr, parce que c'est pas les gamins qui se perdent contrairement à ce que l'on pense, c'est les parents qui s'égarent sur des boîtes de jeux et après on cherche les loupiots et vice versa. Il faut faire attention parce que le site c'est juste à côté de la radio, hein. Donc à côté du rocher de Palmer, il y a une sacrée descente en herbe, hein, à ça, côté du truc. Ça, c'est des jeux grandeur nature. Ah bah là, franchement, tu pousses un pote, tu le retrouves, mais il a le bout de la garde. Après, tu joues à Docteur Maboule. Ah ouais. Et justement, le dimanche, on devrait avoir un jeu surdimensionné à base de dés. C'est des strikes, enfin, c'est un nom comme ça, bref. Les dés doivent faire 20 cm au carré. Ah ouais, oh, trop fort, trop cool. Un autre jeu surdimensionné, on aura des jeux pour les familles aussi. Il y a le billard canadien avec les boules en bois qu'on balance à droite à gauche. Bon, il y a ce genre de jeu. Ça, c'est donc le FestiFamily qui est associé au Stratégeux. C'est deux animations. Le Stratégeux, c'est la 12e édition. Le FestiFamily, je crois que c'est la 3e ou 4e. Et on vise beaucoup plus gros pour l'année prochaine, ça c'est clair. Juste à côté, ça fait un dôme pointu habillé en rouge. D'accord. Ah oui, bah le rocher de Palmer. Mais forcément, les 6000 mètres carrés, on sait comment les meubler. Et là, on pourrait avoir justement des univers spécial geek avec tout un tas de jeux, des consoles. Moi, je suis interdit dans cet espace-là, mais pour d'autres raisons. Oui, alors, il nous disait hors antenne qu'il faisait bugger toutes les machines. Je confirme, je suis un virus ambulant. Et j'embrasse Mélanie, ma chérie, qui a le même problème. Et ça, je c'est l'embrasse chiant, aussi, hein. Même si j'ai pas le plaisir de la connaître. Si, et ben je suis sûr qu'en plus, est-ce que tu regardes la télé, Philippe? Quand j'ai le temps, oui. Est-ce que tu regardes M6? Est-ce que tu connais Patron Incognito? Oui, ça, tout à fait. Eh ben, la rousse, c'est elle. Effectivement, t'as bien choisi. Je confirme, je te fais la bise, Mélanie. Pas la serpillière qui était posée sur le côté, hein. Non, je me permettrai pas. Et puis, tiens, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que le 360 ball? Alors c'est pas cochon, hein. C'est un jeu. Bon bah attendez, je voilà, pars. Moi, je suis venu pour ça. Non, voilà. Le 360 ball, c'est un jeu avec des compétitions. C'est très très sérieux. Là, ça sera de l'initiation et de la démonstration parce que on n'était pas sûr de la météo, donc on n'a pas voulu jouer. Deux joueurs contre deux s'affrontent dans un espace circulaire de 5 ou 6 mètres de diamètre, si je dis pas de bêtises, avec une balle imitation balle de tennis qui doit faire rebondir sur un trampoline central. Je vous le fais en accéléré. A priori, c'est le même principe que le squash, en beaucoup plus rapide. Ça aussi, j'ai pas le droit d'y toucher, parce que je pense que je rattraperai pas la balle. Donc il va y avoir des initiations avec les tout petits. Les parents peuvent jouer contre les grands-parents. Là, on a un avantage pour la vitesse. Effectivement. Mais c'est beaucoup plus soutenu. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur Internet. Hein. Le 360 ball, Guillaume, qui justement est un geek averti, lui aussi, va présenter ça en avant-première dans notre région. Et potentiellement, il peut le développer. C'est très physique, sincèrement. Bah déjà, le squash, moi, je vois même pas passer la balle. Hein. C'est un truc de fou. C'est hyper speed, le squash. Hein. Ouais. C'est un des sports les plus cardio. Hein. Je vois pas du tout ce que c'est. Le squash, c'est quand t'es dans un cube fermé, tu sais, et tu fais du tennis contre un mur et tu dois le renvoyer. Okay. Tu vois. Voilà. Ah oui, effectivement. C'est hyper chaud. Ouais. Et c'est le même principe, mais dans un espace circulaire avec des rebonds, des passes que l'on peut faire à son allié pour justement planter les adversaires. C'est très physique, je confirme. Au début, j'ai vu ça en dilettante avec des enfants, et j'ai vu la partie pro. Je confirme, je voyais pas la balle. Carrément. Et puis nous avons Félix et Gabriel. Oh yes, tu brûles mon esprit, Gabriel. Yes. Alors présentez-vous un petit peu, pardon. Qu'est-ce que vous faites de beau pendant ce festival? Alors on présente le Média Café. Hésite pas à prendre le micro si tu veux. Tu peux. Ouais, t'inquiète, il est amovible. Je suis un peu comme Philippe. Je vais éviter de toucher le micro, sinon il va te casser à la fin de l'émission. D'accord, ça marche. On va éviter. Alors du coup, on représente le Média Café. Donc c'est un café associatif qui a ouvert il y a un an, donc près de Port-de-Bourgogne, qui propose beaucoup d'animations autour de l'univers geek, à savoir qu'on fait manga café, bar à jeux, jeux de société et jeux de rôle et jeux vidéo. Ça c'est hyper intéressant parce qu'il y en a plus en plus de manga café à Bordeaux. Non. À part le tien. Bon, qui est tout petit hein, par rapport à ouais, ce que certes, c'est pas bon. Grave, c'est pas parce grave. Parce que c'est une association, mais on a bah, du coup on a essayé de réunir tous les pendant des geeks au même endroit. On fait aussi bar à chat d'ailleurs. C'est oh yes. Donc, oui. Et on n'a pas que des chats, donc, on a des animaux du genre rongeur et oiseau aussi. Donc oh, c'est trop très alors, folklorique. Eiki, quand tu dis faut que j'y aille, il a dit bar à chat, pas bar à chat. Désolé. Oh là là, ah, je viens de recevoir un coup de fil du CSA. On est beaucoup trop vulgaire ce soir. Yes, et ben du coup le bar à chat, moi ça me tente bien parce que j'ai été une fois dans ma vie, c'était à Tokyo et donc là sur Bordeaux ce serait énorme d'aller dans un bar à chat quoi. Faut que t'amènes Jacob. Ah non, bah arrête, il lui repart plus. Ah mais tu sais, non mais les chats, c'est des fils indignes. Hein. C'est clair. Ah mais je te jure, dès que ça peut te tourner le dos et te montrer sa rondelle en fait. Ah, je croyais qu'il était borgne. qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Tiens, bah, enchaîner sur un truc. Je voulais dire un truc et puis je bah, sais on parlait plus des bar à chats. Oui. Et du coup, donc c'est où tu m'as dit? Alors, Porte de Bourgogne. Porte de Bourgogne. Putain, on est passé devant tout à l'heure. Oui, en par contre, ouais. En fait, c'est caché dans une résidence qui nous dessert un peu, mais en même temps, c'est l'avantage que ça rend le lieu convivial et très intimiste, qui permet de pas avoir des gens qui passent toute la journée juste pour voir ce que c'est par curiosité. Et puis, en train de caresser un chat comme ça peut être bizarre. Je suis le spectre. Oui, justement. Et du coup, c'est dur à trouver parce qu'en fait, ce qu'il dit pas, c'est qu'à la base, si tu veux y aller, il donne rendez-vous dans un endroit avec une boussole et tout. Et c'est déjà un jeu de le trouver. C'est la carte au trésor. Un jeu de piste, ouais. Ah, mais exactement, quoi. Bon, c'est une bonne idée. On s'est accroché le jeu de piste pour rentrer. Voilà. Oui, mais carrément. D'ailleurs, on a fait récemment le casse-tête bordelais. Ouais, c'était très bien. D'ailleurs, qu'ils font quelque chose de spécial pour Halloween, je crois. Oui, oh, et ils ont précisé, faut pas être trop sensible. Ah bah vas-y, on le fait. Hein. Vas-y, on le fait. Ah bah si vous voulez. Ah ouais, grave. Je suis chaud de dingue. Ah oui. Yes. Et du coup, donc il y a Félix. Vous êtes tous les deux sur le même projet. Tout à fait. Yes. Ok. Oui. Et toi, je voulais parler des jeux de société. On va en profiter parce que moi, je trouve que plus le temps passe, enfin moi quand j'étais gamin j'ai le souvenir de jeux de société qui étaient énormes, vous voyez ce que je veux dire, avec des grands décors, et plus ça va, plus on revient au basique, où c'est souvent une simple boîte de cartes, comme le loup-garou par exemple, ouais. Et il y a beaucoup de d'imagination en fait. Après le loup-garou, il y a rien de plus basique, t'as même pas besoin du jeu de cartes en soi, tu attribues les rôles sur des bouts de papier, et voilà quoi, suffit de connaître les règles, c'est ce qui fait toute la puissance de ce jeu en fait, c'est que c'est très imaginatif. Tu peux jouer à une dizaine et on a eu jusqu'à 40 joueurs sur la scène lors d'une de nos éditions. Les plus jeunes avaient 6-7 ans, donc j'étais pas sûr qu'ils aient tout compris. Bon, ils avaient adapté le jeu à ça. Mais ils s'éclataient sur la scène. Ça, c'est clair. Mais même à Animasia, ils font ça aussi. C'est souvent le cas, ouais. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi exactement? Ah, c'est cool ce que j'ai dit. Ouais. Alors, le loup-garou? Ouais. Vas-y, je te laisse le présenter. C'est comme un grand monsieur, il est tout poilu de partout. Non, ça c'est pour les afters. En fait, c'est tout simplement une sorte de jeu de rôle en fait où tu te retrouves avec un rôle attribué. Tu peux être simple villageois jusqu'à sorcière qui distribue des potions. Tout ça, chacun a un rôle à connaître. Et à partir de là, en fait, chaque nuit entre guillemets, c'est un moment où tous les joueurs ferment les yeux. Pendant lequel en fait le maître de jeu qui a attribué les rôles en fait demande aux loups-garous d'éliminer une personne, et le but c'est que soit les loups-garous gagnent, soit les villageois gagnent en fait, et ça détruit beaucoup d'amitié. Vraiment pour un jeu tout basique, c'est vrai. Dans mon école, on adore faire ça à nos pauses de temps en temps, et c'est vrai que tu tapes des grandes barres quand même. Vraiment. Yes. Tiens, je fais une parenthèse. Il y a Gusti qui nous dit. Alors, est-ce qu'il a un petit nom, votre bar à chat et tout ça, tout ça s'appelle le Média Café au Calice du Dragon. C'est compliqué. Hein. Oh, yes. C'est joli. Eh ben, il y a notre Gusti national qui nous dit. Moi, je viens. Que s'il y a des petites saucisses. Ce Goustique est assez fan. Ah, c'est le pic assiette qui fait toutes les conférences de presse pour manger des petites saucisses Kinaki Arcta. C'est ça. Ah ouais. On y pensera. Ah bon, bah tu vois, Goustique, tu peux y aller. Il y a le message est passé. Et du coup, voilà, moi, c'est ça le truc. Les jeux de société, moi, parce que j'ai un problème d'imagination. Non, c'est pas vrai, hein. Mais voilà, j'aimais bien, moi, les grands jeux de plateau. Moi, il y a un jeu qui me retournait la tête quand j'étais gamin. Alors, les plus jeunes, ils vont halluciner, ils vont dire, qu'est-ce qu'ils racontent? Mais c'était Atmosphere. Vous vous rappelez de ce truc? Le jeu existe encore. Et voilà, ils sont pratiqués souvent dans le cadre de nos salons ou de réunions, médias cafés ou ce type de regroupement. À Cestas, d'ailleurs, au Festival des Jeux qui a lieu le même week-end, ce ne sont que des jeux de société et il y a de fortes probabilités qu'on retrouve celui-là aussi. Et alors, Eiki, t'es peut-être un peu trop jeune. Peut-être. T'as connu, toi, ça, Dandy? Non. En fait, Atmosphere, C'était improbable. C'était une des premières fois où ça brisait un peu le quatrième mur. En fait, t'achetais un jeu de société, t'avais un plateau avec une VHS. Oui, mesdames, messieurs, une VHS. Oh là là. Hey, c'est pour les anciens. Et, ouais, et tu la mettais dans le magnétoscope. Et en fait, avec pause et lecture, tu devais avancer à des endroits de la cassette. D'accord. Et genre, t'avais un mec déguisé, hyper glauque, qui te parlait, tu vois. Et au début, il te disait, faut que tu notes ta peur sur un papier. Et ensuite, bah, au fur et à mesure que t'avançais, ils te disaient des trucs, mais c'est hyper glauque en vrai. Et je crois que c'était l'un des premiers jeux de société avec des DLC, mon pote. Un premier jeu interactif. Oui, interactif. En fait, ils te parlaient dans la télé, tu vois. D'accord. Et ensuite, il y avait un maître du jeu, sauf que exactement. Pas là, quoi. Et en fait, il y a une version plus récente, c'est qui est sur DVD, je crois. Mais il y avait un DLC, en fait. Donc, un truc, un add-on, quoi, que t'achetais en plus, avec un pirate. Et en fait, plus t'avançais dans le jeu, plus il devenait dégueulasse et tout. Mais c'était abusé, ah, ce génial, jeu. J'avais un pote qui ils l'avait. Ils en ont fait des glocks comme ça, oui. Yes. Ils en ont fait pas mal de jeux comme ça dans la série. Alors, on parle de zombies puisque c'est très tendance aussi en ce moment. On a le Zombie Crew, c'est un autre café qui est à côté de la barrière de Bègles, si je dis pas de bêtises, et qui, pareil, a initié ce genre de jeu, mais il y a une douzaine d'années sur Bordeaux déjà. Mm-hmm. Ah ouais, carrément. Et c'est très tendance. Et c'est dommage qu'on n'entende pas parler de Zombie Crew, c'est la première fois que j'en entends parler. Mais que fait la com? Mais le problème, c'est que notre milieu de jeux de société est pas forcément très connu, parce que jeux de rôle, jeux de figurines, jeux de cartes, bon, les jeux électroniques sont un peu plus répandus parce que c'est beaucoup plus médiatisé. C'est vrai. Mais on revient aux jeux traditionnels, donc les jeux en bois, les jeux, les Kapla, tout simplement. La maison Kapla va nous prêter 2000 Kapla pour ce week-end. Wow. Prêter, j'ai bien dit. Pour bouger la maison Kapla, faut le faire. Et là, on peut remercier Yannick de Jeux de Société Gironde. C'est un site où n'importe où dans la Gironde, au jour le jour, vous avez tout le type de jeux, les rencontres de jeux de rôle, de jeux de société, les réunions dans les cafés, ce genre de choses. Et Yannick, ce n'est pas du tout son job, hein. Je le tairai parce qu'il est dans une administration et on ne peut pas forcément citer. Mais sa passion, il y a 2 ans, il est venu à Bordeaux, il a découvert nos jeux de société. Je ne sais pas si c'est stratégique ou un autre salon, parce qu'il y en a quelques-uns, mine de rien. Nous, on est tout petit dans ce monde-là, même si c'est la 12e édition. À Toulouse, pour l'anecdote, ce même type de salon a fait 18 000 visiteurs dans le week-end. Et oui, mais ça ne m'étonne pas. Et en plus, je suis sûr qu'il y a plein de parents qui vont y aller avec leurs enfants pour dire, ah, après, à savoir s'il y aura des jeux assez anciens, mais genre, ah ben moi je jouais à ça quand j'étais gamin. Ah ben on a un jeu de loi, il fait 1m20 de diamètre. Je suis fan absolu. Et le dé qu'on a porté fait 20 cm au carré. Donc ils vont jouer avec les enfants, quitte à se les envoyer dessus, parce que ça dérape un peu des fois. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un vrai puits. Hein. Le mec qui tombe dans le puits, il est mal. Hein. Il y reste à tout clair. Jamais. Quoi. Il y a un petit côté de Jumanji. Le silence c'est des pour ça, c'est pour ça qu'on dit toujours les femmes et les enfants d'abord. Parce qu'après, les requins n'ont plus faim. Quoi. Non, mais c'est vrai, il y avait plein de jeux de société comme ça qui étaient vachement bien. Et on en ressort des nouveaux, on en ressort. Et Philippe Moucheboeuf, en l'occurrence, qui a créé le jeu Fief, qui a eu le Pion d'Or, ressort sa 3e édition là. Et vient la présenter avec tous les petits accessoires et les personnages. Donc les jeux évoluent par rapport aux tests, par rapport aux joueurs bien entendu, et par rapport à la tendance. D'accord. Et puis tiens, pendant qu'on en parle, je vais vous poser des petites questions. Vous allez me dire si le jeu de société existe ou non. Ah. Alors on a Adopte un Gnou. Est-ce qu'à votre avis il existe pour de vrai ou pas? Oh, la musique est parfaite en plus. Ça me parle pas ça. Adopte un Gnou, alors à votre avis? Non, je pense pas. Moi je pense que oui. Eh ben ça existe pour de vrai. Waouh. Comme quoi. En plus c'est énorme la règle du jeu, c'est un jeu où on doit dire n'importe quoi. Je te jure. Ça c'est un jeu d'apéro ça. Oui non mais clairement. On a tiens est-ce que ça existe Docteur Macroud, on doit réparer un Macroud sans. Non tu rigoles. Ça j'y crois pas là. Ça te comment ça n'existe pas Docteur Macroud? Macroud qui est une c'est de la bouffe un peu. Non c'est Docteur Maboule bien sûr. Ça me rendait dingue quand j'étais petit, putain j'adorais ce truc là. Ça on n'aura pas parce que ce sont des jeux je veux dire tout public. On se démarque par d'autres types de jeux. Yes. Mais pas moins fun. Hein. Ah oui, non, mais c'est clair. Est-ce que le jeu Licence 4 existe? Un jeu où on doit aligner des capsules? Oui. Il me semble que oui, je l'ai déjà vu. Oh merde! Putain, j'étais trop fier de ma vanne. Il a un cœur là, oui, tout à fait. Puissance 4, Licence 4, je me disais c'est pas mal. Mais ça existe pour de vrai? Oui. Ah ben. On fait barrage à jour, on a des jeux à boire forcément. Eh oui. Ça bon, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, mais on rentre à pied. Ou en tramway, s'il marche. Ou en tramway, si bourré. Oui, voilà. Mais à pied. Voilà. Qu'est-ce qu'on a, tiens? Tuturista. Est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Ça me parle, ça. Ouais. Et vous avez vu ce jeu, il est magnifique. Ouais, c'est un chien qui a la diarrhée, en fait. Il chie de la pâte à modeler, en fait. Ouais. Non, mais ça... C'est très smart ça pour les enfants. Non, mais t'imagines les mecs au brainstorming. On n'aura pas ça en stratégie. Oh les gars, je crois que je tiens un truc de ouf quoi. Tuturista. Rien que le nom. Et ça vaudrait le coup de savoir comment ce jeu de société s'appelle à l'étranger. Ouais, tu vois, s'ils ont changé le nom, tu vois, un peu. Parce que faut trouver la vanne. Ouais, Toutou. Clair. enfin, je sais pas, en anglais, en espagnol, peu importe. Est-ce que le ta gueule existe? Le quoi? Le ta gueule. Oh, bah, oh, je prends un plaisir à donner le joker. Le ta gueule? Quoi? Oui, le ta gueule, il existe. Ouais. Il me semble bien l'avoir déjà vu aussi celui-là. Yes, donc ça existe, hein. Le ta gueule, ça donne envie d'y jouer un peu. Tu joues avec. Le but c'est quoi alors? De régler des comptes. Ouais, c'est un peu ça en fait. Il y a quelqu'un qui raconte une histoire et si tu ça te semble louche, tu lui dis ta gueule. Quoi. C'est génial. Tu dois te faire des copains là sur ce. Ouais, est-ce que Panique Cafard ça existe? Je crois que oui. Ouais, je pense. Alors c'est pareil, c'est un peu le même principe. Hein. Je sais pas si vous avez connu Picpus. Oui, tout à fait. Ouais. C'était un peu le même principe où c'était un... non mais ce jeu, tu vois, dans oui. dans quand on dit que bon ça marchait à pile et tout, voilà, c'est un autre délire que les gens. C'est un jouet à pile comme un autre. Ouais, voilà, mais le truc c'est que c'est un espèce de lit qui vibrait à mort. Oui, c'est ce que je dis, ça vibre aussi comme un autre. Vous avez beaucoup de sexe à pile. Oh oui, pas mal. Très bien, ah ouais, un point. Le sexe à pile qui est dans le tiroir de la table de chevet, hein. Pas l'autre, pas le truc, la bogossitude là. Ah bon, d'accord. Non, ouais, Picpus, bah, c'est un peu le même principe en fait. C'était voilà, un mec en plastique est allongé dans un lit qui vibrait et avec une pince à épiler fait récupérer des petites puces en plastique. Juste d'accord, pour se crisper les nerfs. Ah ouais, non mais ça c'est un truc de ouf. Moi j'ai le souvenir gamin, genre les puces à sauter partout, ma daronne elle était comme une ouf. Mais c'est tu m'arrêtais avec ce jeu de société, ma gueule. T'avais la même chose, c'était attends, c'était pas Bouffetou là, la poubelle où t'avais des mouches et tu devais les choper pareil. Si t'avais un truc comme ça, je crois. Non mais je te crois. C'était Elephone, je crois. Non, ah, non, ça c'est l'éléphant qui jette des papillons par la tronche. Ah le gars quoi. Putain, je me souviendrai toute ma vie de la musique de la pub quoi. Sérieux? Ouais. Ça faisait Elephone, c'est un éléphant avec ça. Trompe, il fait du vent. Attrape le papillon dans ton filet. Celui qu'on a le plus à gagner. Voilà. Comme quoi, il y a des restes. Oh ah là, ouais. Bravo, Eli. Bravo. Oh, les vieilles comme pubs, quoi, le mec a bien fait son job. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Est-ce que le Milborgne, ça existe? Tiens, c'est un jeu où on doit. Non. Ça va être un jeu de pirate, ça. Le Milborgne. Ça se trouve, ça, on va se faire piquer les idées. Hein. Est-ce que Mytho, ça existe? Oui, alors celui-là je l'ai fait découvrir dans un collège ou dans un lycée où je bossais à Lormont justement. Donc c'est un jeu, une sorte de Uno mais avec des cafards, souvent des mouches, des choses comme ça, c'est un peu dégueulasse. Ah oui, c'est vrai que la boîte c'est une mythe, oui, ouais, c'est ça? Oui, ah, c'est voilà. Une grosse mythe. Horrible. C'est une grosse mythe, ouais. Excusez-moi, je suis enrhumé. Est-ce qu'on a la bonne taille? Non. La bonne paye? Oui. Voilà. La bonne paye, moi j'aimais bien la bonne paye, c'était marrant, ouais. Plus jeune. Mmh. Ça faisait partie des jeux que j'aimais bien. Est-ce qu'on a Clodo? C'est un jeu, on doit retrouver qui c'est qui a tué le Clodo. Ah le mec, comment tout il te vend le truc, t'as ou quoi? Non mais t'as vu comment tu il vas donner des idées à l'antenne. C'est le. Comment il s'appelle? Clodo. Avec le chandelier. Le Clodo. Le Clodo. Colonel Moutarde à l'ancienne. Oui, voilà, à chaque fois j'oublie son nom. Voilà. Bah je pense qu'on a fait le tour. Ah hein, non, il y en a un autre. On va voir s'ils s'y connaissent un peu. Le Gwint. Ça vous parle ou pas? Ça me parle pas, ça. C'est non pas le. Non, non, attends. Le Gwint. Alors non, là, t'as tous les auditeurs. Ça existe ou ça existe pas? T'as tous les auditeurs qui nous suivent qui. Ils sont en train de c'est, chercher. C'est le sur jeu Internet. De Perceval, tu sais, dans Kaamelott. Alors, en fait, à la base, c'est juste un jeu de cartes qui existe dans un jeu, mais qui sort pour de vrai. Donc, il va vraiment devenir un vrai jeu de cartes. J'ai rien compris. Mais et le Gwint, c'est dans The Witcher. Oui, dans The Witcher, le jeu de cartes. Ah, ok, d'accord. C'est le jeu de cartes dans The ouais, Witcher. Ouais, okay. Tu fais et ton boostique là un peu. Ouais, voilà, ouais, c'est clair. Excusez-moi. Et donc à la base, ouais, c'était un jeu, bah, comme un petit peu, jeu inventé dans un jeu vidéo. Bon, souvent on retrouve du poker dans ouais les jeux de western un peu cowboy. Il y a un peu ouais un côté tarot. Ouais, ouais, voilà, c'est un peu tarot ou la bataille, c'est un peu ce même truc là où on a des cartes d'unité et ils ont décidé, ça a tellement bien marché dans le jeu, les gens ont trouvé ça tellement bien et ils ont dit, bon, on sort les cartes. Et du coup, le jeu va vraiment exister. Mais souvent, t'as des jeux qui sont et édités c'est super justement. Mais c'est pour super des idées loufoques, on va dire, au cinéma, ou plus ou moins sérieuses, t'as des jeux qui sont édités comme ça, justement. Alors, est-ce que, avec tout ce que tu viens d'annoncer à l'antenne, tu vas peut-être donner des idées, justement, à des nouveaux ouais créateurs. Bah, y a pas de problème, faut juste reverser les droits à l'association Gandoué, hein, donc voilà, tous d'accord les droits sont reversés à moi. Je vois bien dans un an, Clodo, le nouveau jeu de société. Moi, j'aime bien, le Clodo. J'aime bien Docteur Macroud, personnellement. Il va cartonner dans les kebabs, la bonne paye, ça c'est pas faux. Bon, la bonne taille, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui l'ont inventé. Ça fait vraiment jeu à boire pour le coup. C'est clair. Oh, des jeux d'apéro, on a ça, mais bon, c'est pour après. Ouais, mais d'ailleurs, The Witcher existe hein, en jeu de société. En jeu de société aussi. Ouais. Ouais. Et il me fait de l'œil, sincèrement. Ah ouais. Il y a aussi le Monopoly Zelda, j'aimerais bien. Après, voilà, Monopoly. Alors, le truc, c'est que Monopoly maintenant. Ouais, Monopoly Bordeaux, à... Monopoly Paris, voilà. Voilà, c'est ça. Et tiens, petite question, Philippe, est-ce qu'il y aurait des Lego? Alors, malheureusement, non. Bon, je me casse. Et c'est bien dommage parce qu'un jeu de réflexion, celui-ci fait partie des, comment dire, des premiers que l'on a connus. Mm-hmm. Et pourtant, je connais bien la maison, parce qu'accessoirement, j'ai un job à côté qui m'a permis de leur agencer des stands. Et ils sont en, comment dire, ils ont plus de demandes pour les magasins et pour les commandes qu'on fait sur Internet. Ils ne peuvent pas fournir un seul salon. C'est ouais. paradoxal quand on connaît la maison Lego ben et ouais. le sérieux que c'est. Eh oui. Et là, quand j'ai vu débarquer dans un des magasins que j'agence, j'ai vu arriver une tonne de Lego. Mais c'est moi, je fais une crise cardiaque. Ah ouais, mais c'est clair. Et on ne peut pas en avoir pour le salon. Mais je désespère pas de resservir, comment dire, le couvert pour les avoir. Parce que les petits comme les grands hein, peuvent monter ça. Ah, mais quand moi, je vois ce qu'ils font avec les bûchettes Kaplan, les gamins hauts comme trois pommes arrivent à me monter des tours à 2 mètres de haut. Parce qu'ils trouvent toujours une chaise, ils montent dessus. J'imagine le gamin, tu sais, qui cale Kaplan, qui fait une tour, il dit merde, je suis trop petit, qui se fait un escabeau en Kaplan, tu sais, qui monte dessus. Alors ils prennent les chaises, mais monte, oui. Tu sais, et le gamin, maman. Et puis t'as le gamin qui vient donner un coup de pied dedans. Voilà. C'est le même gamin ça, qui écrase ton pâté de sable à la plage. Ouais, ça peut être une idée pour changer les ampoules chez vous, tiens. T'achètes des Kaplan, comme ça c'est ludique un peu, tu construis ton tabouret. Et après tu donnes un coup de pied. Non mais voilà, moi je suis un gros fan de Lego. J'en ouais, ai plein à la maison. On les aura, ça c'est sûr. Est-ce que tu veux qu'on leur passe un message? Ah ben on peut leur passer un message. Parce qu'il s'appelle Monsieur Lego le mec, je pense. Monsieur Lego, si tu nous entends, il faut des Lego là. C'est ah, le problème des Vikings, c'est qu'il faut communiquer qu'en anglais avec eux. Ah mais Mr Lego. I want the Legos. Ah ouais. Non, la classe. Là franchement s'il dit non, ton Tyler is rich. Bah sinon vous devez avoir des mécanos aussi je pense pour les enfants qui ont besoin un petit peu de se alors, poser les méninges. On doit malheureusement compte tenu de la place limiter le comment dire l'encombrement de chaque stand. On a accessoirement 50 animations différentes. On a 80 animateurs professionnels ou associatifs et particuliers pour l'aspect accueil et sécurité, mais ce genre de jeu qui justement revient, je le vois dans les magasins de jouets, ça se vend comme des petits pains. Nos grands-parents nous ont éduqués à ça. Oui, c'est vrai. On a beaucoup de mécanos. Maintenant, c'est associé à l'électronique puisqu'ils ont leurs robots là qui se démontent, comment on appelle ça? Ah non, de Optimus Prime et tout ça là. Ah oui, les Transformers. Transformers, voilà, ils font ça en radiocommande. Et alors le must maintenant, c'est qu'ils ont les hélicos. En version, ah ouais. Voilà, donc c'est vraiment du jeu interactif que l'on peut commander avec les consoles. Les gamins, ils en sont friands de ça. Ah ouais, bah ouais, avec le smartphone, du coup, tu construis ton drone, bah ouais, ouais. Tout à fait. En même temps, les Lego, c'est pareil, ça a viré au Lego Technics et compagnie, quoi. Oui, les produits dérivés, ils ont bien compris. Mais Lego avait fabriqué, quand les Jack Sparrow et compagnie sont sortis, ils ont sorti les Mega Blocks. Mega Blocks, c'est, je veux dire, une parodie de Lego. Avec c'est un ersatz. Des galions, voilà, exactement. Des galions qu'on peut assembler, que nous, on a reconverti pour nos jeux, bien entendu. Des enfants comme pour les plus grands. Mais pareil, ça revient. Tout ce qui est mécanique, tout ce qui est ancien revient. Et en période de crise telle qu'on la vit actuellement, les gens ont besoin de se détendre. Ça, c'est clair. Ça. Eh ben, tiens, je passe un appel à mon tonton qui, une fois, a essayé de me faire passer des méga blocs pour des Lego. Mais je ne suis pas dupe, monsieur. Non, ce n'est pas la même chose. C'est même clair. À 10 ans, mon pote, l'œil du tigre. non, bah, tu sais comment je m'en suis rendu compte quand j'ai voulu emboîter un méga bloc avec un vrai Lego. C'est pas compatible. Eh ben, il y avait 5000. non, c'est vrai. Ce n'est pas la même chose. Non, c'est vrai. Il y a deux écoles, quoi. C'est comme les Playmobil et les Lego. Voilà. On mélange pas les torchons et les fourchettes. Putain, par contre, les mais c'est comme là, on aura des jeux de rôle, de plateau, de société, et on va les avoir grandeur nature aussi. Ça, c'est cool. On va en parler juste après le Scud. Si ça vous dérange pas, vous êtes ready? Ready. Allez, on s'écoute de partout. On s'écoute la femme, et puis je suis sûr qu'après ça, vous allez avoir envie d'acheter un. Alors, je sais plus vraiment la marque, mais c'est la musique d'une pub pour une bagnole. C'est ça. Bref. Et puis toi, tiens, cher auditeur, on parle de voiture. Toi qui es dans ta voiture, comme tous les mardis, n'hésite pas à monter le son, parce que ça fait vraiment plaisir. Et puis, nous reviens juste après ça. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez sur 91.3. 91.3. Alors on est de retour, vous écoutez toujours La Voix du Geek sur Eau de Radio, 91.3 en Aquitaine et sur eau de radio.net pour le reste de la Gaule. On vient de s'écouter La Femme sur la planche et moi j'hallucine. Ça fait du bien, ça réveille après Blood Bowl. Hein. Ah ouais, mais en fait, je viens de voir le clip. Ouais. Mais c'est une planche de surf. Mais oui. Parce que moi, j'avais pas compris. Sur la planche. Mais moi, je croyais que c'était une planche à découper. Je découpe du saucisson, je recherche des sensations. Oh putain. C'est une la blague. Je croyais que c'était ça, moi. C'était super mauvais. Mais tiens, ouais, t'as vu. Puis on fait un bisou à Célia, tiens, qui doit chercher du boulot parce qu'elle cherche l'endroit où se trouve le bar à chat. Elle s'est trompée. Ah. Alors, c'est pas un boxon, hein, Célia, calme-toi. Ça reste soft. La pauvre, reste soft. Franchement, elle prend cher en permanence, vous devriez avoir honte. Mais non, l'embrasse qui aime bien châtie bien. Châtie bien, oui. Ah oui, bah oui, carrément. Allez, les 20h passées de quelques minutes, dans un instant, le test de Super Mario Maker, mais pour l'instant, le coup de fil du PNJ. Allô ? Le coup de fil. Oh, des PNJ. Buonasera a tutti. Sono Pinangelo, le chef du clan des Paragumba. Les champignons avec des ailes dans Super Mario Maker. Quand Mario passe nous voir de notre loge de temps en temps avant l'émission, il nous appelle ses petits anges à tête de gland. Et sous prétexte qu'on n'a pas de nez, il lâche de grosses caisses bien bruyantes. Heureusement, on ne sent rien. Je lui ai conseillé de consulter un spécialiste, parce que pour un plombier, je trouve qu'il a de gros problèmes de tuyauterie. Vous ne devinerez jamais ce qu'il m'a répondu, ce grossier personnage. Il m'a dit, écoute-moi bien, petit Angelo. La prochaine fois que tu me parles comme ça, je prends ta tête et je m'en sers de bouchon pour résoudre mes problèmes de fratulence. Et crois-moi, tu n'es pas prêt de revoir la lumière du jour. Je viens de me faire une image dégueulasse. C'est pas faux. Quand je te retirerai, ce ne sera pas un goût d'amertume que tu auras dans la bouche. Vous rendez compte comment il nous traite, un monstre? Depuis que Mario est devenu une star, on ne peut plus rien nous dire, il est insupportable. Ce n'est pas parce qu'on a une tête de grand qu'on doit être fourré dans le rectum des personnages principaux quand même. Et les conventions collectives alors? Ah, mamma mia, la vie des Paragumbas n'est pas facile. Je tiens aussi à souligner que Mario est une grosse feignasse. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois où il a réparé quelque chose? Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois où il a réparé quelque chose? Eh bien non, à mon avis ça doit rater et je ne devais pas être né. Même maman, paix à son âme, ne l'a jamais vu travailler de son vivant. Et je dis ça, c'était avant qu'elle finisse son poré à l'ail. Qu'on doive supporter ce malotru de Mario est une chose, mais maintenant, nous n'avons même plus la sécurité de l'emploi. Avant, nous pouvions faire des plans de carrière, nos niveaux ne changeaient jamais. Mais dorénavant, dans Super Mario Maker, c'est à la dernière minute que nous connaissons la map dans laquelle nous allons travailler. Nous n'avons d'autre choix que de nous contenter de cette précarité professionnelle ou de servir de bouche-trou à cet odieux petit moustachu ventripatant. Je m'adresse aux joueurs de Super Mario Maker. Ayez un peu de compassion pour les pauvres personnages virtuels que nous sommes. Créez des niveaux très difficiles pour rabattre le caquet de cet égocentrique de Mario. Ce sera pour nous, le petit personnel, une bien belle consolation et mettre un peu de soleil dans notre quotidien. Grazie mille d'avance, arrivederci! Yes! Alors, bravo, ouais. Bravo, quoi. Super! Juste bravo, ouais. Parce que... Génial! Ah, bravo talent, Anthony, quoi. En plus ah, tu ouais. Tiens de mieux en mieux l'accent allemand. Hein. Ah la vache, ah, j'ai le travaillé talent, celui-là. Putain. Ah, non, joli, joli. Tiens, puis il y a Célia qui fait « Lol, depuis aujourd'hui j'ai trouvé un taf. » Merde, donc elle est plus disponible. Dommage. Tant pis, on parle un petit peu encore rapidement avec Philippe, juste du GN, pour préciser un peu pour les auditeurs de ce que c'est en fait. Puis ensuite, vas-y, je t'en prie, parce que ça va être assez vite expédié. Quand bah même. C'est pour ça, je m'en suis douté un petit peu. Donc Philippe, le GN, qu'est-ce que c'est? C'est du jeu de rôle. J'ai l'impression d'être Fred et Jamy, quoi. Et Philippe, le GN, qu'est-ce que c'est? Ça fait presque Mario. Et eh oui, Jamy. Le GN, c'est du jeu de rôle, grandeur nature. Nous avons des, comment dire, des tu joueurs. Tu veux que je te laisse le parrain derrière? Ah ouais, ça va très bien, ça. C'est top. Et donc, ce sont des joueurs qui aiment la période pirate, la période de Star Wars, la période heroic fantasy, Le Seigneur des Anneaux et tout un tas de dérivés de films. Ils se reconstituent des costumes le plus fidèles possible. Certains qui seront présents avec nous d'ailleurs au stratégieux ont commencé à répéter certaines scènes, je ne sais pas où ils ont trouvé ça, du numéro 7 qui va sortir bientôt. Ils font souvent les avant-premières. Alors j'ai pas tous les secrets, mais je sais qu'ils sont en train de le répéter. Je les ai encore eu hier au téléphone. Et on aura même une scénette version pirate. Alors c'est pas la version pirate Jack Sparrow, mais bon, ils se griment, ils s'imprègnent de leur rôle comme des acteurs. Et ben, ils délirent parce que la plus grosse reconstitution qu'ils aient faite dans la région, c'est à Saint-Émilion, si je ne dis pas de bêtises. Ils étaient 70 reconstituteurs en pirates. Ça dénote dans le paysage. Ah ouais, non, mais c'est clair. Ah, t'imagines quand ils vont à Intermarché pour chercher les trucs. Oh mon dieu. Avec le Cali, tu sais. Hey, ça Moussaillon. Passe pas inaperçu, c'est clair. Il ne peut rester beaucoup de Rome à la fin à l'Intermarché, mon avis. Voilà. Mais ils ont un métier autour de ça. Hein. C'est juste une passion. Il y a putain, un GN Star Wars, quoi. Ça va être un truc de ouf. Hein. Il va y avoir ça, et les gamins, logiquement, sans trahir trop de secrets, devaient pouvoir croiser le fer, soit en version pirate, soit en version Star Wars, avec les maîtres de jeu qui vont leur apprendre les rudiments du kendo, puisqu'à la base, c'est du kendo. Et ouais. Mais il n'y a pas de droit quand vous faites un GN comme ça pour Star Wars, il n'y a pas des droits justement à alors, payer ou... Les droits vis-à-vis de Lucas, entre autres. Tout à fait, on ne fait pas ça pour et par l'argent. Ce ne sont que des démonstrations de jeux et d'animation pour que les enfants, justement, on les amène sur un plateau à notre passion, puisque les jeux de société, les jeux de stratégie sont déjà produits par la maison Lucas, Mattel et compagnie. Oui, c'est un hommage quelque part. Voilà, c'est un hommage et c'est plus un clin d'œil, y compris dans le sosie qu'on aura comme invité. Tout au long du week-end. On en parle de ça, du sosie d'ailleurs. Alors moi je fais une parenthèse. Moi ça m'angoisse à mort les sosies. Ah je te jure. Il le vit très bien et c'est d'ailleurs son métier. Il est très bien équilibré le garçon. Il a pas le compte en banque de Johnny malheureusement, comme on le dit à chaque fois. Il est venu ici à la radio. Il a été. Oui j'ai vu la photo. Et d'ailleurs tes collègues féminines étaient bien ravies de faire les photos à la sortie parce qu'ils s'attendaient pas à le voir à l'entrée. Ah mon Dieu, j'ai une petite culotte, Et en plus il fait monter la pression. Je n'ai pas posé la question qui fâche si elles avaient le slip petit bateau, mais bon. Non mais il fait monter la pression parce qu'on sait toujours pas de quel sosie il s'agit. Alors c'est le sosie officiel français de Johnny Depp, qui est venu en civil à la radio et qui sera en Jack Sparrow tout le week-end dans le salon. Et moi, quand on dit sosie officiel, c'est de Johnny Depp ou de Jack Sparrow? De Johnny Depp. Ah ouais. Et donc, il est demandé le plus souvent en Jack Sparrow qu'en Johnny Depp parce que c'est tendance. Il fait des animations, que ce soit pour des anniversaires, pour des fêtes. Enfin, c'est son métier. À la base, il a un tout autre métier. Et bon, ben, tout le monde le chambrait en disant tu ressembles à Johnny Depp en civil. Et c'est vrai que c'est bluffant pour l'avoir vu ici, entre autres. Hein. Et quand on est allé au restaurant, on a failli avoir une émeute en l'occurrence. Et du coup, ben, il en a fait son métier. Et c'est vraiment c'est atypique quoi quand on le rencontre. Alors, jusqu'à apprendre toutes les mimiques. Hein. Et je crois qu'il y a Anthony qui nous tient une vanasse parce qu'il est mort de rire tout à l'heure. Je sors ta connerie. J'imagine dans un supermarché. Et moins 50% sur le jambon. Imagine sosie Johnny Depp en train de faire la promotion des jambons. Alors il n'en est pas à ce stade, mais effectivement, il connaît. Sur Périgueux où il réside, il a l'habitude de traverser la ville en civil justement, mais même sans se grimer, c'est bluffant comme il lui ressemble. Ben moi je trouve pas de boulot. Pourtant, je suis le sosie de quelqu'un d'hyper connu, mais on me contacte jamais. Un animateur radio, je crois. Non, non, mais franchement, oui. Ça se voit. Francis Cabrel. Mais non, Christine Boutin. Ah, c'est pas faux. Attends. Le matin au réveil. Oui, oui. Alain Debar. Moi, j'aurais dit Conchita Wurst, mais bon. Joker. Ah là là. Ok, bah, le GN, ça donne envie en tout cas. Carrément, oui, puis voilà, même tout le festival. Hein. Oh, il y en a pour tous les goûts, effectivement. Et ça, c'est cool. Vas-y, Gabriel. Alors, si je peux ajouter quelque chose sur le GN, en général aussi, c'est, au lieu des fois, c'est une reconstitution, c'est en plus, il y a un scénario et vous jouez votre rôle en réagissant de manière spontanée au scénario et aux interactions avec les autres joueurs. Alors, ça existe sous la forme de soirée enquête, nous, on organise par exemple. C'est comme un Cluedo géant en fait. Oh putain, mais ça. Tous les convives sont c'est un Cluedo grandeur nature. C'est d'avoir été de tuer un personnage et donc chacun est censé jouer son personnage et donc voilà. Yes. Est-ce que vous connaissez, tiens, vous êtes un peu calé, on m'a offert, il y a quelques années, Petit Meurtre entre Amis. Oui. Non, ouais. C'est un jeu de société. Et c'est énorme, en fait. C'est des petits livrets. Il faut mener l'enquête et tout. Et ça, c'est vachement bien, quoi. C'est un jeu de rôle. Carrément. Eh ben, moi, j'ai bien kiffé. On faisait ça en soirée. On prenait tous des accents et tout. Tu sais, si tu te lâches un peu. Ouais, et que tu te prends au jeu, quoi. Franchement, Anthony, ça te plairait, celui-là, tiens. Ouais. Mais j'aime bien beaucoup ça. Après, j'ai eu l'occasion. Mais c'est vrai que c'est tentant, comme. Alors, en guise de jeu de rôle, on a aussi nos jeux de stratégie. On aura, à tout décompte fait, entre 5 et 6 000 figurines dans le salon. Il y aura du Star Wars, il y aura un siège croisade, il y aura du Seigneur des Anneaux, il y aura des jeux antiquités médiévales et surtout il y aura une table à l'entrée dans le hall d'accueil du château de 1500 figurines, rien que là, napoléoniennes. Parce que le château Palmer était, pour ceux qui l'ignorent encore, était un major général anglais à l'époque de Napoléon. Qui était dans les jupes de Wellington, ça c'est ma traduction perso, ça, ou dans le kilt, on va dire, voilà, on va dire ça. Et quand Napoléon s'est replié en 1814 et a abdiqué, il a épousé la veuve avec le château, d'où le nom du château Palmer. Donc le petit clin d'œil, on va faire une reconstitution où le major était présent. Bah, tu vois, j'y travaille, je savais même pas. La classe. Comme quoi, tu vois. On n'aura pas la veuve. Hein. Il y a longtemps qu'elle est en train de, comment dire, déguster les pissenlits par la racine. Elle est emmurée, quoi. C'est pas faux. Et yes, bon, on reviendra juste après le test du jour. On parlera un petit peu, puis on donnera les dates et tous les accès et compagnie. Bon, Eki, est-ce que t'es prêt? Mais écoute, quand tu veux. Allez, je te fais le tour du propriétaire. Non, attends, j'ai préparé. Mon Dieu. Attendez, mais là, je coupe le son. Mesdames, messieurs, Eki a bossé ce soir. Non, mais attends, je faisais le test, donc quand même. En vrai, j'ai juste pris un screen du truc. Hein. Bon, c'est édité et développé par Nintendo. C'est sorti le 11 septembre. C'est un genre plateforme création. Voilà. T'as les boules, hein. T'as les boules, non, t'as les glandes, t'as les crocs. Je vais vous parler de Super Mario Maker que j'ai pu tester cette semaine. Et bon, de manière globale, ce jeu est assez cool. Ah bon, bah super, merci. Voilà, au revoir. Non, ce jeu est assez cool. Après, je vois le prix affiché sur la jaquette et là, je m'inquiète un peu plus. Combien il coûte ? 39,99 chez nos partenaires Cultura. Yes. Et voilà, le jeu simple. Jeu simple sans l'amiibo. Et c'est le prix de base. Voilà. Parce que sinon, il est vendu avec une truelle, un sac de ciment et tout. Et quelques tuyauteries. Et la boîte, la bétonnière. Avec des tuyaux PVC, un pot de colle, la totale, quoi. Non, mais d'ailleurs, il a un très joli costume de mécano. Mécano. C'est dommage qu'il soit pas, par exemple, jouable dans le jeu. Et là, je reviens au premier problème. Il y a peu de filiatures qu'on a pu voir dans les jeux d'avant, à savoir des costumes très originaux. On a que le tanuki en gros, et puis les classiques, le champignon, la fleur. Mais voilà, Super Mario Maker, du coup, c'est un jeu où on s'amuse à créer des niveaux de Mario. Voilà, c'est le gros truc du jeu. C'est pour le 30e anniversaire de Mario. Et le jeu est très cool. Il est super ludique. L'interface est super plaisante. Il y a plein de petites icônes. C'est vachement ludique, quoi, à créer. Mais voilà, une fois qu'on a créé ces niveaux, bon, déjà, le problème, c'est qu'on commence pas avec tous les éléments. Ah oui, c'est un peu comme Little Big Planet. Ça, c'est un vrai problème d'ailleurs, parce que je me suis mis aussi pour aider Eiki dans son test. Et dès le début du jeu, on te met juste une ligne avec, allez, les classiques, quoi. Tu vas avoir 10 objets. Ouais. Donc, le bloc en pierre, le sol, le tuyau, le champignon. Les combats, quoi. Sauf que bon, t'avances, tu fais un niveau, tu te dis, bon, on va en débloquer d'autres. Et voilà, ben en fait, non. Et puis t'en refais un autre. Au bout d'une demi-heure, je me suis dit, putain, je me fais chier. Ouais. Comment débloquer les autres éléments? C'est ça. Est-ce qu'il y a une campagne? Non, c'est tout de suite un bac à sable. Il y a un mode qui s'appelle les 100 Mario. Voilà. Ouais, mais c'est chiant. C'est 100 niveaux. Voilà. Bon, génial. Des niveaux de Mario classiques. Mais voilà, je me suis dit, comment faire pour débloquer les éléments? Du coup, je suis allé voir sur internet. Et le meilleur moyen, donc, à tous les joueurs de Super Mario Maker, pour débloquer tous les éléments, c'est donc de créer plein de blocs sur sa map, c'est-à-dire tu crées plein de blocs alignés, après tu les copies, tu les colles et tu remplis ta map de blocs et tu fais ça jusqu'à tout débloquer en fait. Sachant que quand tu débloques, en fait t'as des camions de livraison qui arrivent, on te dit ouais le camion de livraison est en route, etc. Pendant 20 minutes, tu peux pas débloquer d'autres camions et les blocs. Ah bon? Ouais. Voilà. On va vous faire une solution en direct. J'ai l'impression que c'est un peu le syndrome. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça avec Metal Gear là récemment pour le développement de plateformes et compagnie. J'ai l'impression qu'on tombe sur ce côté un peu application smartphone où quand tu fais un truc, on te dit bon repasse dans 2 heures, ce sera prêt dans deux heures. Clairement, attends, c'est merde, c'est un jeu de console de vie, quoi. En fait. Je veux dire, c'est un jeu que t'as payé, t'as pas envie d'attendre pour avoir accès au truc. Non mais certainement attends, pas. Attends, mais quoi, c'est l'enfer ça. Non mais c'est clairement uniquement pour ajouter de la durée de vie. Du coup voilà, on se retrouve avec tous les éléments, c'est super marrant, mais enfin, il y a plein d'éléments assez originaux, mais ça casse pas trois pattes un canard non plus. Mais voilà, on se retrouve donc avec tous les éléments, on peut pas jouer avec ses potes. Du coup, c'est très vite limité, en fait. Ah, tu peux pas, genre, comme Minecraft, créer un niveau à plusieurs? Ça aurait été cool. Alors, ça. Non, tu peux créer ton niveau, tu le mets sur gens. Le net, et les gens après peuvent mais, y jouer. Pour quoi. Avoir joué à New Super Mario Bros, tout ça, on pouvait jouer à plein normalement, quoi. À 4, voire 5, voilà, tu vois. Et là, oui, oui. En soi, tu fais ton niveau, tu le joues, voilà, c'est fini. Tout seul. Donc, vu que c'est toi-même qui a fait ton niveau de base, tu sais comment le résoudre, etc. Bon, après, je suis le premier à avoir fait n'importe quoi, hein, c'est-à-dire avoir mis plein de Bowser, empilés les uns sur les autres, tu t'éclates, hein. Mais c'est vrai qu'au bout, je dirais, de 5 heures de jeu, tu commences à dire, bon, qu'est-ce que je vais faire? Du coup, tu vas dans les maps faites par les joueurs. Il y a des maps géniales. La plupart des maps qui sont les mieux classées, c'est des maps, en fait, qu'on appelle Don't Press Anything, où, en fait, tu ne dois rien appuyer sur aucun bouton. Et en fait, le niveau se résout tout seul et ça rivalise d'ingéniosité et de mise d'accord. en scène. C'est assez cool. Mais voilà, globalement, pour 40 boules, tu t'attends à un peu plus quand même que ça. Sachant qu'il y a aussi le truc des amiibo qui est le plus gros foutage de gueule du monde. Eh oui, hein, qui débloque des costumes. Ouais, tu débloques des costumes, c'est-à-dire que tu débloques les costumes des amiibo en question. Tu n'as pas spécialement de pouvoir en plus, et surtout, tu ne les débloques que dans la version 8 bits de Mario. Oui, en plus. Du coup, ça enlève tout l'intérêt parce que bon, voilà, jouer l'entraîneuse Wii Fit dans Mario, c'est super marrant, mais quand c'est en 8 bits, bon, c'est génial, c'est 4 pixels alignés. Jouer l'entraîneuse, c'est toujours sympa. C'est génial. Ah, il l'a relevé. C'est 4 pixels alignés, mais ça perd vite en intérêt, quoi. Du coup, en soi, le jeu est très ludique, la musique est très cool. C'est assez marrant parce que quand tu poses des blocs à la chaîne, en fait, dans le créateur de jeu, ça te fait la musique qui est en train de se jouer. Je sais pas si t'arrives à... C'est ça qui est marrant, c'est ce que j'allais dire, j'allais te rejoindre. Mm-hmm. Au niveau du sound design, le jeu est top. C'est vraiment un vrai jeu, en fait. Le sound design qu'il y a, t'as le thème derrière ça. Dès que tu interagis sur ton écran... Ouais. Ça va venir ajouter une note en fonction de la mélodie qu'il y a derrière. Okay. Donc il suffit que tu passes ton crayon, ça va faire ting. Et puis quand tu lâches ton crayon, ça arrête. Tu vois, donc ça suit la mélodie, donc c'est plutôt sympa. Mais ça prend pas la tête, ça, au bout d'un moment? Non, c'est franchement c'est marrant. Ce qui me prend la tête, c'est la gomme. La gomme me prend la tête. Ouais, la gomme. T'as un petit icône de gomme, fait. Voilà, moi je soupçonne les sound designers de Splatoon en fait d'avoir bossé sur ce jeu-là, parce que déjà dans Mario Maker on avait retrouvé des éléments de Splatoon cachés, enfin tu sais, dans les fichiers. Donc j'imagine que c'est les sound designers de Splatoon qui ont bossé dessus. Mais bon voilà, c'est très ludique tout ça. Les points forts, c'est que c'est ludique, c'est que tu t'éclates, c'est que les niveaux créés par la communauté sont super. Et oui, c'est ça le truc. Et les points faibles, c'est qu'au bout de 2 heures, tu te fais chier. Du coup, en soi, n'hésitez pas à le prendre, mais attendez clairement qu'il baisse de prix. Parce que 30 ans de Mario ou pas, payer 40 boules pour un éditeur de niveau, c'est un peu du foutage de gueule. C'est vrai. Tu vois, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure hors antenne. Est-ce que Nintendo serait pas en train de se dire, bon, c'est bon, on a assez soupé de Mario, laissons la communauté créer des niveaux, comme ça nous laisse quelques années, tu vois, pour... Non, mais ça aurait été un mode de jeu que t'as dans le prochain New Super Mario Bros. Wii U 2. Ouais, voilà, juste un mode plus, mais pas un jeu seul, quoi. C'est ça. Là, c'est un jeu seul, du coup, ouais, c'est super vite limité, en fait. Bon, c'est trop marrant de déconner avec tous les éléments de Mario, surtout qu'il y a très peu de limites en soi de nombre d'éléments affichés à l'écran, tout ça. Que t'as plein de petites interactions marrantes, genre tu prends le poulpe, si tu le secoues, il a des petits enfants poulpes derrière. Comme dans la vraie vie, quoi. C'est ça. Exactement. Si tu secoues Bowser, il se transforme en mini Bowser. Enfin, t'as plein d'éléments cachés, mais ça aussi, le problème, c'est que si tu passes pas ton temps à essayer des trucs loufoques sur tous les éléments, tu peux pas deviner les éléments cachés, tu vois. Par exemple, si tu prends pas le Bowser à l'écran et que tu le secoues pas comme un dératé pendant 2 secondes, tu peux pas deviner derrière que mini Bowser est un élément du jeu. Okay. Du coup, voilà, c'est très ludique, mais peut-être pas assez didactique. Ils ont un peu abusé sur les easter eggs, parce que du coup, si tu regardes pas sur internet, t'es un peu loosé, déjà qu'il y a pas énormément de contenu. Et du coup, voilà, le jeu est très cool, mais il vaut 15€, pas plus, et je lui mets 15/20, pas plus. Yes. Ouais. Alors par contre, tu sens, moi j'ai trouvé, parce que c'est vrai que j'ai été assez frustré, je me suis dit, bon, c'est un éditeur de jeu. Au final, tu t'amuses pas des masses. Mais je me suis dit, Nintendo s'est quand même lâché. Ils se sont lâchés, je trouve. Ils sont pas, comme à l'habitude, un peu trop classiques dans leurs petites chaussures. Alors là, au niveau du sound design, justement, j'y reviens. Ouais. Il y a de ces sons, mais alors de dingue. Des fois, ouais, t'entends des gars qui crient. Marrant, ouais. T'as des musiques un peu flippantes. Enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils ont mis plein de trucs. Ils ont vraiment mis un petit peu de tout, n'importe quoi. Et tu te débrouilles avec. Moi, j'ai aimé ce côté un petit peu. T'as une caisse à outils. On te donne 3 planches. Ça, ouais. Tu te décides. Tu veux faire une armoire, une chaise. Tu veux faire une voiture en bois. Tu te débrouilles, quoi. Ouais, pareil. Donc, c'est vrai que pour ça, c'est un peu comme un Minecraft, quoi. On te donne des outils, on te donne un truc et tu fais ce que tu veux avec. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa dans le sens où t'as un côté créatif de malade. Mais après, comme tu dis, voilà, c'est un éditeur de jeu. Le fun. Tu pouvais jouer avec tes potes, tu vois. La limite, ça rajouterait peut-être une dimension un peu plus ludique encore. Mais là, ouais, au final, tu te retrouves avec tes niveaux. C'est génial, tu peux les partager avec la communauté. Mmh. Mais t'es pas forcément un génie du level design. Du coup, la plupart du temps, tes niveaux sont pourris et chiants à jouer, de toute façon. Mmh. Soit c'est le bordel, soit il n'y a pas assez d'éléments, tout ça. Bah, il faut passer du temps. Le truc, c'est qu'il faut vraiment passer du temps dessus. Et tu passes du temps pour faire un niveau génial, c'est génial. Il y a plein de gens qui jouent, et voilà, mais ça reste très vite limité. Après, il y a des mecs qui sont hyper ingénieux. Mais c'est ça le truc, ouais. Il y a eu des niveaux Super Meat Boy version Mario, tout ça. C'est vrai. C'est assez marrant parce qu'en plus, tu vois où est-ce que les gens meurent, tout ça, mais voilà, au final c'est quand même très vite limité, du coup voilà, n'hésitez pas à le prendre, mais quand il sera vers les 15€, parce que là c'est un peu si un jour il arrive à ce prix là ouais, si un jour. J'ai une petite question, est-ce que ce ne serait pas un moyen pour recruter des gens, en fait, le fait de permettre dans le sens où quand tu crées un niveau sur Mario, c'est pas comme dans Mario Maker du tout. T'as des lignes de code infâmes à enfiler derrière, t'as toute une gestion de hitbox et tout, là tout est pré-mâché. Du coup, oui, en soi, peut-être qu'ils vont s'inspirer des idées, tout ça. Voilà, s'inspirer, mais, ça m'étonnerait pas. Ouais. S'inspirer, mais de là, enfin, level design, c'est un métier aussi, et c'est pas en jouant à Mario Maker que tu vas te faire level designer, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, petite anecdote qui est plutôt sympa, je vais dire ça rapidement. Est-ce que vous savez comment a été créé, techniquement, sur du papier, le premier Super Mario? Vous savez comment il a été créé exactement? Avec un crayon et une gomme. Alors, ben, tu y es presque, parce qu'en fait, ils avaient des feuilles à carreaux. Et en fait, ils dessinaient tout carreau par carreau. Bah oui, les pixels. Quoi. Voilà, c'est ça. Mais non, mais tu vois les gros blocs là, les gros blocs qui font le sol, les tout est très cubique en fait dans ce dans ce jeu-là. Et ils avaient des feuilles à carreaux, tu sais, comme quand t'as au collège machin. En là, fait, c'est comme Minecraft en 2D. Voilà, c'est ça. Okay, ouais. Et en fait, ils dessinaient dessus, ils coloriaient, ils disaient, bah alors ça c'est le château, on va le faire en marron. Là derrière. Tu fais vachement bien les mecs de chez Nintendo. On va mettre une petite colline, tu vois. Tu sais quoi. Et voilà quoi. Donc en gros, tu regardes. D'ailleurs, t'as le livret fourni avec le jeu. Où ils te mettent des croquis des tout premiers jeux et où tu vois il fait alors on va mettre le tuyau là, ça va te faire descendre sur la feuille d'en dessous, enfin voilà, c'est papier crayon quoi. C'est tout simplement, c'est vachement anecdotique, on en revient au traditionnel. Exactement. Ouais, non, mais clairement c'est ça. Mais non, effectivement tu seras pas level designer parce que t'as fait un super niveau sur Super Mario Maker. Voilà. Bon bah merci bien, merci à toi mon poulet. Pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus qu'on n'aurait pas dit sur le festival? Ah oui, on n'a pas parlé. On en parlera la semaine prochaine, sinon c'est pas méchant. Sur le festival ludique, est-ce qu'on aurait oublié des choses assez rapidement? Il nous reste 3 minutes. Le ravitaillement. Ah, qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on boit? Saucisses. Alors il y aura peut-être des petites saucisses. Oh. Je ne suis pas dans le secret des. À la Goustique, des restaurateurs qui va venir. Nous avons une association en l'occurrence qui nous chapeaute et qui nous invite sur le château, qui fera tout ce qui est stand buvette, friandises et probablement des gâteaux. J'ai bien dit des gâteaux. Ah ouais. Mais ensuite on reste pour un salon pour enfants. Ensuite on aura donc un restaurant Makiwan qui est à ce nom là qui nous alimentera pendant tout le week-end, le samedi et le dimanche midi essentiellement. En maquis alors? Alors il y aura du maquis, il y aura de la bière japonaise, avec modération comme il se doit, parce qu'après on peut pas jouer sinon. Ah ben ça c'est sûr. Voilà. Ah si, il y a le jeu de la bouteille. Une fois qu'elle est vide. Une fois qu'elle est vide on pourra, mais les enfants bon, ils sont encore un peu jeunes. Donc on aura ce ravitaillement là et on aura également un camion qui va nous produire, nous vendre, des poulets rôtis pour ceux qui veulent manger un peu plus chaud et pas forcément en plat traditionnel japonais. Voilà, donc il y en a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les confessions. Oui, yes. Donc ça se passe le 26-27 septembre au Château Palmer. Rentrez par la bonne entrée parce que si vous passez par en bas, ça grimpe un peu quand même. Non, ça sera verrouillé. On passe par l'entrée principale, devant le château. Yes, donc c'est samedi ça commence à 9h, ça finit à 23h et dimanche de 9h à 17h30. Oui, avec une amplitude horaire d'au moins une heure puisque ça dérape souvent. On peut difficilement arrêter une partie, surtout quand les grands-parents jouent avec les petits-enfants. C'est clair. Ah non, rentre pas maintenant, écoute, je pas fini ma partie. Allez mémé, on va rentrer. Pour une fois que je vais te défoncer mon petit. T'imagines s'il commence une partie de Monopoly à 22h30, tu sais. Non mais on ferme à 11h mesdames, messieurs. Oh mais non, c'est un scandale. Que j'aurais oublié? Si, c'est 1€ par personne et par jour, donc 2€ le week-end si j'ai bien calculé. Wow. C'est plus symbolique, l'addition est bonne, c'est plus symbolique, puisque grâce à nos partenaires professionnels et mécènes, parce qu'on a des gentils mécènes encore à cette époque de l'année, on va pouvoir offrir toute une série de jeux, de jouets et de jeux de société, dont certains dédicacés par les auteurs eux-mêmes, au public, de manière totalement aléatoire. Il y aura aussi des quiz pour les tout-pitchounes. Puisque ceux qui n'auront pas leur ticket d'entrée, il y aura des quiz ciblés justement sur des jeux de console, ce qu'ils maîtrisent, sur des mangas, sur tout un tas de thèmes, et accessoirement sur les personnages qui seront présents. Yes, mais bonne idée. Puis tiens, c'est gratuit au moins de 10 ans. C'est important. Tout à fait. Sous la surveillance des parents, on n'est pas gardien. Oui, non mais ça c'est clair, faut le préciser, hein, parce que c'est vite la garderie sinon. On est d'accord. Bon, je vous laisse mes gosses, je vais boire un coup. Trouvez la buvette. Bon, en tout cas, merci Philippe, merci avec Félix, plaisir. Merci à vous Gabriel. Tous. C'est ça. Wouhou. Merci, c'est merci, il s'en souvient. Merci d'être passé nous parler de ce festival. Ça fait prochaine, on fait le test le de l'érotisme. Ouais. Ah ben si seulement ça pouvait être ça. Oh. Et Stéphanie Morgan, la sœur de Clara. On a pu avoir qu'elle. La semaine prochaine, bah, ça fait chier, elle est boulangère. Alors. Bon, bref, on fait ce qu'on a. Hein. On n'a pas trop de moyens dans la voix du geek. Non, la semaine prochaine, on fait le test de Blood Bowl 2. un jeu de football américain avec des orques et un tout. Un jeu d'ennui. On y a passé la journée. On vous le dit d'avance, préparez les sacs de couchage, les coussins, les traversins, tout ce que vous voulez, la couette, parce que ça va être long. Non, il y aura carrément. Il y aura de la bagarre. Ouais. Ouais, mais alors on va casser la gueule. La bagarre, mais tour par tour. Bagarre d'oreiller, quoi. C'est ça. Bon, en tout cas, essayez d'être avec nous, ça fera plaisir. Mardi prochain, 19h sur Eau de Radio 411.3 en Aquitaine et sur eauderadio.net pour le reste de la Gaule. On se retrouve la semaine prochaine et juste avant de finir, toc toc toc. Qui est là? Annabelle. Annabelle qui? Annabelle Beer Girl in a... Moins 12. Oh là là. Oh fallait que je la fasse. Allons, on se retrouve la semaine prochaine les poulets. Bonne soirée. Restez sur Eau de Radio, il y a bisous. Du bon son qui arrive là. Bisous, bye bye. Bye bye. Vous écoutez Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne sur 91.3 FM.